Cet épisode du podcast de Papa Cassette est une présentation de Lagerbrau, bière adéquate. Vous suivez Papa Cassette et désirez m'encourager dans le développement de mes multiples projets? Devenez Patreon, patreon.com/papacassette. Oh, bonsoir à tous et bienvenue à l'épisode 140 ben oui. De chez Papa Cassette. C'est un beau chiffre rond. Parfait, ça. On célèbre ça en grande. Ouais. Avec un invité ce soir. Salut. Mesdames et messieurs, Guise de Passemier. De Passemier. Ouais, c'est normal de ne pas l'avoir. mes parents m'ont averti quand j'étais jeune. Ils ont dit, tu vas vivre ça toute ta vie. Exact. C'est correct, j'ai une autre famille Chrome, j'ai le même problème. Personne ne sait jamais comment l'écrire, comment ça se prononce. Chrome, quel nom. On aurait pu être Dominique QE, ça aurait pu être pire. Ah, mais... j'en ai tout le temps des Dominique QE aussi. Là. C'est nos vies, c'est nos dures vies. Alors, c'est le fun. Il y a déjà comme plein de monde dans le chat, plein de personnes. On s'est raidé par Delta, encore une fois, Raid of One. Oui, et puis plein de personnes qui suivent Guise dans ses publications qui sont ici présentes ce soir, donc c'est cool. Ben, merci d'être là, tout le monde. Désolé de ne pas être là ces temps-ci, je vais revenir bientôt. T'es pas là, hein, ces temps-ci. Ben, en fait, c'est que je suis en train de faire des choses. Non, c'est... on vient de lancer Turbo Kid et dans les dernières semaines, j'ai été un peu moins... présent sur les réseaux sociaux. Ouais. Puis, je suis toujours en train de recommencer. Puis là, je saute une semaine. Là, j'avais un tournoi de Zelda, Randomizer, cette semaine. Là, j'étais un peu plus là. Mais ça va revenir. Ah. Bon, ben écoute, c'est parfait. On comprend ça. Puis on va en parler tantôt de Turbo Kid. En fait, mais avant tout, messieurs, oui. Ceux qui voudraient une bière, ça serait le moment. Ah, ben là. Fait que Guise, tu peux t'étirer. Allez, on fait travailler la visite. L'éviter, ben ouais. Donc, on a des bières de notre commanditaire Lagerbrau là-dedans, trois sortes. Et puis, on a aussi de la Mario Paint que Retro MTL a brassée avec l'espace public. Donc, la Mario Paint est une Pale Ale et puis toutes les autres, c'est des Lagers ou des Pilsner. Hey, la Mario Paint. Pour vrai, là, cette icône-là, plus je la regarde, plus je la trouve belle, plus je trouve des choses. Moi, c'est ça que je veux. Qu'est-ce que vous voulez, messieurs? Moi, je vais te prendre une canette blanche dans le bas, là, n'importe laquelle. Je pense que tu as aimé l'orange, c'est bien correct, ça. Merci beaucoup. Bien. Là, pour les buveux de Lagerbrau, donc moi et toi, Jean-François, faut ouvrir doucement parce que je les ai brassés un peu. Ça se peut que ça broute pas mal. Là. Toi, tu l'équipement. Ça. Ah ouais. Oh. Oups. Ça a de la classe au bout, Dom. Tu vas bien? Je viens. On a des scotteurs. Sauver l'équipement, mais pas le tapis. Alors, notre premier invité qu'on a eu sur le show ici, Jason Gawet, était un des membres fondateurs de Lagerbrau qui font des bières adéquates. Et puis, elles ont de la pression dans la canette. Oh là là. Mais c'est correct, on a une équipe de ménage qui fait le ménage ici. Fait que tu peux cochonner à carpette, Jean-François. Ils vont continuer à me laver les tibias qui sentent la bière maintenant. Ah, excusez, on n'a pas eu le choix d'absorber tout ça. Ben, cheers! Santé, guys! Je suis encore dans la mousse. Tiens, prends ton temps. Ah là là, ouh, ça brasse. Fait que ce soir, on a Guise et puis on va parler. Il va parler tout le long. Ah ouais. C'est beaucoup de travail. Je suis capable. Sois prêt. Je suis prêt. J'en doute pas. Fait que je voulais segmenter le show en trois bouts environ. Pas environ, j'aimerais que ça soit ça, parce que sinon ça va durer très longtemps. Mais on va parler de l'industrie, du jeu vidéo au Québec, l'industrie indépendante, québécoise même, je dirais, de laquelle tu fais partie. Et puis ensuite, on va parler du jeu Turbo Kid, donc que vous développez présentement. Et puis on va se garder un petit moment pour parler de collection de jeux vidéo, parce que j'espère. On est chacun des grands collectionneurs ici, alors on va pouvoir parler de variants, de NES, oui, d'affaires de même, puis de labels. J'ai fait exprès d'arriver 30 minutes en avance pour aller fouiller dans ton magasin. C'est ça! J'aurais pris un autre 15 minutes. Ah, bon, ben, alors... Tu travailles pour une compagnie québécoise. Non, oui. Tu es même... Je suis copropriétaire. Fondateur. Fondateur. De? Oui, du studio indépendant Outer Minds. On est surtout connu pour avoir fait les jeux de PewDiePie, la star du web, hein, qui a été détrôné par MrBeast, mais qui, à l'époque, pendant presque 10 ans, a été à la tête de YouTube. Et on a fait trois jeux avec lui. OK, trois. OK, je pensais qu'il y en avait juste un. Ouais, on ou a fait... un avec du DLC ou... Non. Le premier, c'est un jeu de plateforme qui s'appelait PewDiePie Legend of the Brofist. Donc, un jeu de plateforme à la Mario, là, avec plein de références rétro en pixel art. Après ça, on a fait Tuber Simulator, qui est un jeu un peu plus d'art. On crée sa room, on veut devenir le plus grand YouTuber au monde pour être comme ça. PewDiePie. Donc, on décore notre room et quand on achète des items pour décorer notre chambre, on a plus de vues comme dans la vraie vie. Okay. Donc, c'était ça le concept du jeu. Et ensuite, on a fait un jeu PVP avec des créatures qui avaient été introduites dans Tuber Simulator qui s'appelle les Pixelinks, donc des créatures en pixels qui se battent. J'aime comparer le système de combat un peu si on mélange les vieux Final Fantasy, là, mettons 1 à 6, ouais. Mais que tu peux bouger presque en temps réel. C'est du tour par tour, mais les tours sont très rapides. Okay. Fait que tu dois les bouger pour vaincre l'équipe de ton adversaire. Non. Donc, on a fait ça. Et puis là, récemment, on vient de lancer, en avril, Turbo Kid, un jeu basé sur un film de 2014 québécois. Oui. Avec, entre autres, Laurence Leboeuf, qui jouait le rôle d'Apple, et Michael Ironside, un acteur canadien qui a joué dans tout. Il a été le méchant. C'est vraiment lui le méchant dans Waterworld, non? Entre autres, là, il me semble qu'il était aussi dans... Pourquoi tu parles de Waterworld, par exemple? C'était pas mauvais, c'était pas si mauvais. Il me semble qu'il était aussi dans... comment ça s'appelle, ceux qui sont dans l'espace, puis il y a plein de bébites, là? Starship Trooper. Il me semble qu'il était dans Starship Trooper, aussi. Ah, ça se peut, hein, ça. Ben, tu vois, on change tout le show. You know what? Je pense qu'on va parler de Turbo Kid. Puis que le studio... ça va nous amener naturellement vers l'industrie aussi, je pense. Ben, avec fait plaisir. On peut parler de ça, en fait, parce que je connais un peu les gens de Turbo Kid, RKSS. Ben oui. Qui sont des gens très cool, qui font des films depuis longtemps. Travailler avec les RKSS, c'est un cadeau. Ils sont tellement. Johan est tellement un gars qui. On dirait qu'il te remplit d'énergie quand tu lui parles. Il est tellement positif. Oui. Il a tellement de plaisir. Ensuite de ça, on a eu la chance de travailler avec Jake Dion, oui. qui a fait une BD qu'on peut collectionner des pages dans le jeu. Et on a aussi engagé le matos pour faire la musique parce que là, on s'est dit, on fait le jeu du film, on va le faire pour vrai. Fait qu'on va aller rechercher toute la même gang. On va pas faire, tu sais, en tout cas, moi, je trippe sur la NES, je pense que toi aussi. Oui. Puis, on a vu des jeux qui ont étampé une propriété intellectuelle puis que ça paraissait clairement qu'ils avaient soit pas vu le film ou qu'il y avait déjà un jeu de prêt puis on dit, on va essayer de l'adapter. Exact. Nous, on a fait le cheminement inverse. On est parti à zéro. On aimait la franchise, on aimait ça. C'est comme une lettre d'amour au film. Absolument. Puis moi, je l'ai essayé, ce jeu-là. Ça fait un bout, par contre. Ben là, il est sorti. J'ai pas joué depuis que j'ai sorti. Parce qu'il est sur Steam. Il est sur Steam. On travaille fort en ce moment pour sortir la version Switch. Oui. Qui était le premier milestone de Kickstarter. Exactement. Ou le deuxième. Un des milestones. Ouais. Je me souviens pas par cœur. Mais oui, la version Switch s'en vient. On travaille fort aussi. On essaie de voir si on va être capable de sortir sur Xbox et PlayStation. Donc, on va voir si c'est possible dans les prochaines semaines. On est un studio indépendant, on n'a pas infini de ressources. Exact. Et puis, ça va être en version physique, Switch, peut-être? Oui. Oh! Que oui! Malade. Oui. On en parlait un peu, là. Ça a-tu avancé? C'est-tu des secrets? On vient de signer avec une entreprise qui va s'en occuper. Je ne veux pas la dire c'est quoi, parce que je suis encore dans les contrats. Oui. Mais on va avoir une compagnie qui va s'en occuper. Excellent. Donc, c'est le fun, parce qu'il y a plein de gens qui m'écrivent, mais j'ai manqué le Kickstarter, je peux-tu avoir une version physique? Puis à l'époque, je savais pas parce que, tu sais comment ça marche, pour faire des ESRB, ouais. Donc des versions nord-américaines, c'est 5000 minimum. 5000 impressions, 5000 cassettes. Là. Ouais, il faut que tu fasses 5000 cassettes, puis en Europe, les PEGI. Oui. C'est 3000. Fait que là, nous, on était comme, on est un petit studio indépendant, on fait juste 3000 Peggy, tu sais? Ouais. Mais en même temps, on dirait que Peggy, on aime pas ça. Je sais! Parce qu'on est des collectionneurs, puis là, ça nous dérange un peu. Ça marche pareil. Il y a du monde qui m'écrivent des fois, où, même ici en magasin, genre, les jeux européens, m'achètent ça à la Switch, où ils sont pas sûrs, tu sais? Oui, et puis je le dis souvent, ne fermez pas les yeux sur les jeux européens. parce qu'il y en a qui viennent même d'Amérique, tu sais, puis c'est une question de budget. Et il y en a des tonnes qui sont excellents, puis qui n'ont pas de version américaine. T'sais. Et l'information que je viens de te donner est importante pour un studio indépendant. Faire imprimer 3000 exemplaires par rapport à 5000 comme minimum, ouais. Ça peut être un changement. Donc peut-être que. Presque le double. C'est presque le double. C'est beaucoup d'argent. Exact. C'est pas donné. Dépendant de la grosseur de ton jeu, ça va vite si tu as besoin d'une cassette avec plus de mémoire. Ah oui, hein? Pardon. Ah oui. Ah oui, hein? Il y a des différences de prix sur le nombre de mémoires dans la petite cassette. Ben oui. Hey, je savais pas ça. Ben je oui, pensais qu'il y avait toute une capacité maximale, que tu comme une bouteille, que tu remplis à moitié ou aux trois quarts. Non. Là, dans notre cas, nous, on veut pas dépasser 2 gigs, sinon on passe au bout de contenu téléchargeable. Ah non, c'est chiant. Non, on veut pas. Ça, c'est super important pour nous autres. On veut que, en tant que collectionneur, encore une fois, oui. On veut que si le Nintendo Switch Store n'existe plus un jour, on veut que tous les gens qui ont l'exemplaire physique aient un jeu complet, oui. Qu'il n'y ait rien qui aura été ajouté. Et ça se peut qu'on trouve des bugs dans le futur et qu'on les corrige, mais que le jeu soit jouable de A à Z. Donc, quand c'est... tu mets ta cassette dans ma chaîne. Tant qu'il ne sera pas comme dans le béton comme ça, on va pas le mettre sur des cassettes. Ouais. Ah ben ça, c'est très honorable et c'est très bien ça. On aime ça. Parle-moi pas d'un bout de chunk de jeu qu'il faut que tu télécharges, puis là tu veux vendre ton jeu, mettons, mais personne va vendre leur Turbo Kit parce que c'est tellement bon. Ben oui. Mais mettons tu veux vendre un jeu qui est pas bon, tu sais, tu peux pas le vendre au complet, tu sais, il y en a un bout qui est disparu, c'est comme poche. Mm. Fait que, exact. Puis, j'ai entendu dire que la rencontre avec les gens et de RKSS et la décision de faire le jeu, c'est faite chez Arcade MTL. C'est vrai. Ça se peut-tu, ça? C'est vrai. Ben, en fait, je discutais avec Johan, puis on disait « Hey, ben là, nous autres, on vient d'avoir du succès avec Legend of the Brofist avec PewDiePie, vous autres, venez d'avoir du succès avec votre film, on pourrait faire un jeu. » Ouais. Mais là, faut pas en parler. Puis là, à un moment donné, il y avait c'était Benoît des Mystérieux Étonnants qui vient de voir et fait « Ouais, les gars, votre projet secret, ce serait le fun que vous en parliez moins fort parce que je pense que toute la barre est au courant. Ouais, c'est ça. Mais là, je veux pas te mettre sur la sellette, là, mais ça fait longtemps que c'est sorti du Turbo Kit pareil. Là. Ouais. Est-ce que vous pensez que vous allez être capable de comment dire, est-ce que la franchise, entre guillemets, est assez forte pour générer un hype après tout ce temps-là? Ce qui se passe. C'est-tu le hype mondialement? C'est où, ça, Turbo Kit? Fait qu'il te manque une information, c'est oui. Qu'avant la pandémie, il y avait annoncé un 2. OK. Donc, il y aura un Turbo Kit 2. Ah. Et l'objectif était de sortir les deux en même temps. Mais là, avec la pandémie qui a retardé, ensuite, il y a eu la grève hollywoodienne pour les écrivains, entre autres, et tous les métiers du cinéma. Ben, on retarde. Puis, tu sais, les RKSS, ils ont d'autres projets, puis tu sais, ça avance. Mais l'objectif aurait été, normalement, de sortir les deux en même temps. Mais nous, en tant que petit studio indie, on travaille pas sur 26 jeux en même temps. Ben non. Donc, nous fallait... Faut qu'ils sortent. Puis aussi, on s'est dit, ben au pire, ça fera un regain. C'est le film du succès. Oui. Fait que, voilà. Puis, tu sais, c'est un culte classique. Ouais, c'est les ça. Les Metroidvania, c'est souvent des... Une bibitte très précise, de monde très précis. Ouais, mais un vaste monde, pareil. Je veux dire... C'est un style très apprécié d'une vaste majorité de gens, puis je pense qu'on n'a pas besoin de connaître Turbo Kid non plus anyway pour comme apprécier ce jeu-là totalement. Bon, là aussi bâti comme ça, avec pas trop d'inside, donc le quelqu'un qui a jamais vu le film Turbo Kid, c'est vraiment pas grave. Non, absolument, c'est ça. Fait que c'est un Metroidvania, puis bon, il y en a peut-être qui ont effectivement jamais vu Turbo Kid, donc dans Turbo Kid, il y a du BMX, ouais. Très important. Un jeu de BMX. Et puis là, c'est un Metroidvania... De BMX, donc. Ouais, on ben, peut. Pas juste du BMX. On là, peut mais... sortir le basic quand on veut. On a fait une petite mécanique pour expliquer comment qu'on fait pour le spammer. Ouais. Et pourquoi que ça marche. OK. Donc, c'est comme il y a une scientifique qui dit ah, j'ai avec ton. Dans le jeu, le kid, il y a un Turbo Glove. Ouais. Qui est un peu comme un gant de Mega Man. Dans le court-métrage, je pense que même qu'il avait utilisé un Power c'est Glove. Un Power Glove. Avec, ouais. avec un iPhone tapé dessus. C'est peut-être pas ça, là. Mais ça avait de l'air, ouais, c'est définitivement un throwback au Power Glove, en tout cas. Oui, oui. Puis, comme il y a une scientifique qui, justement, fait une mécanique qui fait que ton glove peut spawner ton vélo quand okay. tu veux. Puis quand tu lâches, il disparaît. Puis il réapparaît dans sa place de téléportation. Fait que quand t'es dans le laboratoire, tu le vois le vélo que quand tu lâches, il réapparaît dans le pod. OK. Fait que c'est ça la... pourquoi tu peux spawner ton vélo quand tu veux. C'est cool, ça. Malade. Puis c'est-tu un jeu qui est long? C'est-tu comme un long d'après toi? Moi, je dirais un joueur comme toi qui est bon à ce genre de jeu-là, t'en as pour 8 à 10 heures. Okay. Okay. Peut-être 12 si tu veux avoir un 100%. Il y a quand même des side quests un peu plus subtil que tu vas chercher un peu à un moment donné, là. Hein. Ben, ça n'en prend, là. C'est... On voulait faire ça comme dans le temps, là. Cherche, là. Exactement. Puis, il doit avoir des beaux petits trésors, des petits clins d'œil funny, peut-être, de cacher un peu partout. Ben oui, il y en a plein. Puis, en plus, on peut trouver plein de tape cassettes du matos. Oui. Donc, pas juste des chansons du jeu, des chansons du film. Ils ont vraiment été généreux avec nous autres, là. Ils ont donné plein de trucs. Ouais. Ça, c'est vraiment sympathique. Le matos, en fait, est un trio. Un duo électro français. Québécois. Ah, ils sont au Québec? C'est des Français québécois. Ils sont très québécois. Ah, pour vrai? Je pensais que c'était des Français de France, en France. Là. Non. OK. Totalement. Hey, en tout cas, s'ils sont français, je en tout cas. Ah non, ils ont okay. plus d'accent. Ils ont rien de français là-dedans. Des gars de Chibougamau, là, des Québécois. Là. Oh, OK, oui. Je savais pas ça. Ils sentent le sirop d'érable. Ah, c'est parfait, ça. Moi, j'aime bien, en fait, le matos que j'ai vu aussi en spectacle et comme que j'écoute dans mon iPod, quand même, régulièrement. Donc, oui, musique électro, synth, vaporware, c'est vraiment excellent. Fait qu'ils ont été gentils, les gars, ils en ont donné pas mal. Oh oui, ils ont vraiment fait une belle trame. J'ai hâte qu'ils sortent parce qu'ils vont peut-être sortir la trame sonore. Ben oui, peut-être. Hein, on ne sait pas. On sait peut-être pas. Qu'ils vont même avoir un vinyle. On ne sait pas. Il y aura un vinyle. En vente chez Retro MTL. Il va peut-être même avoir des BMX, qui sait? On le sait pas. Ça serait malade. Ultimate Kickstarter Gold des BMX, man. Ben oui, là, tu parlais du vélo. Moi, je voulais parler des autres mécaniques. Dans le film, le kid, il a une machette. OK. Fait que là, on voulait vraiment suivre. Le kid, là, son arme, c'est une machette. C'est tout. Il peut tirer. C'est suffisant. Il peut tirer avec son glove. Ouais. Fait que t'as un projectile, puis t'as une attaque de mêlée, puis t'as un vélo. Puis juste dans les affaires subtiles, dans le film, emmené, quelqu'un il pitch une étoile de ninja, puis avec sa machette, il déflecte. Fait qu'on s'est dit, ah ben faut que dans le jeu, tu puisses faire ça contre les projectiles. Absolument. Fait que le kid peut, avec la plupart des projectiles, si t'es bon, il est capable de les frapper. C'est malade. Puis toi, c'est quoi ton rôle chez Outer Minds? Pour ce jeu-là, en tant que tu développes, tu es directeur, c'est quoi que tu fais? Ben moi, c'est moi qui s'occupe de... Comment je peux dire ça? T'as bien des chapeaux, j'imagine. J'ai tellement de chapeaux, puis je m'amuse à signer mes emails différemment à chaque fois, selon à qui je parle. Dépendamment, t'écris au gars du son, t'écris à Microsoft, t'écris au gouvernement. Non, c'est vrai pareil, directeur. Ah ouais, hein? Ouais. J'ai même oublié c'est quoi le titre qu'on a décidé de mettre dans le jeu. Y a-t-il quelqu'un qui peut ouvrir le jeu puis partir le générique? Dire c'est quoi mon titre? Non, c'est moi, je suis pas un gars à titre. C'est quelque chose qui... Non, ben c'est pas tant le titre, là, mais plus ce que tu fais en fait, ouais, là, au quotidien, mon là, quotidien à peu près. Là. Mon quotidien, ben je m'occupe de tout sauf faire des dessins puis faire de la programmation. OK. Fait que ça semble... Mais tu fais-tu du level design? Tu designes pas. Très peu. Ouais, c'est ça. Donnes tes idées, mais t'es pas designer. On est les trois cofondateurs, Alexandre, Sylvain et moi, on décide tout à trois. OK. Donc, on a souvent des meetings à trois. Puis c'est le fun parce que vu qu'on est trois, ben aussitôt qu'il y en a deux qui sont d'accord, ben on essaie de pas c'est écraser le C'est-tu dans la convention d'actionnaires, oh, tout ça? Oui, OK. Ouais. Vous n'avez pas. On a une. Je sais pas si c'est écrit s'il y a un litige entre les trois et qu'il y en a deux. Je sais pas si c'est écrit ça mot pour mot. Là. Ouais, ben, je vais aller voir. Ça peut être. Ben, quand on sort le contrat. Si vous êtes arrivé au pied du mur, vous allez peut-être la ressortir pour aller voir. Genre, on vend-tu la business pour 3 millions ou on continue? Ouais, je sais pas quoi. Comme dit Jim, il signe les chèques de paye. C'est vrai. Ça fait partie de mon quotidien, ça. Ah ouais, hein? Pour vrai? Ben, c'est moi qui fais les payes, ouais. OK, OK. Dans des jardins, tout ça. Oh, oui. OK, mon Dieu. Hein. C'est moi le CFO, donc le chef des finances de l'entreprise. Ben ça, c'est bien. Ici, on les fait faire par notre bureau de comptabilité, mais ça se peut que notre directrice reprenne les rênes de ça éventuellement, ce qui nous ferait sauver bien du temps puis peut-être un peu d'argent. Ben d'un autre côté, on paierait de l'autre bord parce qu'il faudrait qu'elle s'en occupe et elle prenne du temps. Enfin, bref, mais il paraît que c'est pas si compliqué que ça. Tout un prix. Quand ça débalance d'un bord, ça va de l'autre bord. Mais ouais, la paperasse, c'est non négligeable. Fait que si tu fais de la paperasse quand même, vous êtes combien dans ce studio-là? On est en ce moment une douzaine. OK. Ouais. Genre 8 temps plein puis une couple de pigistes? Ou... Non, on est tous temps plein. OK. Tu sais, bon, c'est sûr, c'est je vais effrôler le... Je vais frôler le sujet parce que c'est pas un sujet joyeux pour moi. Mais on a dû faire un licenciement économique récemment. OK. Donc, c'est la seule fois que j'en parle à soir. Donc, parce que... nos derniers jeux n'ont pas vendu autant qu'on aurait voulu. OK. Donc, voilà. Donc, Deux, on est à 20, on est 12. Ben, c'est quoi les derniers jeux? Les jeux de PewDiePie? C'est Turbo Kid en grande partie. OK. Qu'on a développé. Ça faisait plusieurs années qu'on était dessus. OK. Je voulais dire, depuis qu'il est launch, les ventes sont pas à votre goût. C'est ça. Fait que vous avez laissé aller du monde. C'est ça. OK. Puis ça a-tu des chances de... Là, il n'y a pas de honte à ça. Les affaires, c'est les affaires. Je sais bien que c'est pas le fun. Parce que ça implique des humains. Tu sais, ça impliquait juste de l'argent, c'est pas grave. Mais quand il y a des humains derrière, je suis pas... Ouais. C'est le moment que je suis le moins à l'aise dans la vie, mettons. Oui, mais tu veux pas faire de peine. Mais tu sais, en même temps, je veux dire, c'est pas rats, tu sais. C'est la réalité. C'est comme, je suis désolé, mais c'est ça ou c'est le studio ferme. L'entreprise, c'est une personne morale. Faut qu'elle survive. Pour qu'elle survive, faut qu'elle soit capable de payer tous ceux qui sont là. Donc, exactement. Faut prendre des décisions. Exactement. Tu sais, non, c'est pas évident. Ben, mon Dieu, bravo. Bravo d'en parler. Je pense que c'est important. On souligne tout le temps les belles choses, mais il faut parler aussi des affaires un peu plus difficiles. Fait que ça vient d'arriver. Mais OK, c'est toi qui s'occupais de ça. Un à un dans le bureau, un après l'autre. Je dirais pas comment ça s'est fait. Non, OK, excuse-moi, c'est moi qui... je suis désolé, parce que moi, j'ai une entreprise aussi, puis ça m'est pas arrivé, mais j'essaie... On est trois associés très proches, puis ouais. C'est beaucoup d'heures de discussion. Ouais, je comprends. Puis, OK. Mais, puis pensez-vous que les ventes, ils vont repopper un peu avec la sortie sur les autres plateformes? Ça peut aider? Bien, nous, sans dire notre stratégie, notre objectif, c'était de commencer à travailler sur un nouveau projet. Oui. Pour, avec l'équipe qu'on a, avec le budget qu'on peut se permettre. Donc, on travaille sur un nouveau projet. Et pour ce qui est Turbo Kid, ben, il y a la vente Steam qui commence la semaine prochaine. Ouais. Donc, on va avoir une ronde de visibilité. Fait qu'on a beaucoup d'espoir par rapport à ça. Et on pense que c'est un jeu de Switch. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on pense que la démographie qu'on vise est vraiment sur Nintendo. Mm-hmm. Je pense que les gens dans le chat pourront en témoigner. Hein? Puis on travaille vraiment fort. T'sais, on aurait aimé ça le sortir plus tôt, mais c'est vraiment pas de gaieté de cœur. On a même sous-traité le studio Triple Boris pour nous aider à travailler là-dessus parce que eux se spécialisent dans faire des ports Xbox, PlayStation, Nintendo. Okay. Donc ils nous aident en ce moment pour essayer de battre nos embûches. Ouais. Ah ben tu vois, ça c'est beau ça, les studios qui s'entraident comme ça. Ouais. Puis, tu me remettais à ma place dans le chat l'autre fois. Tu disais que j'avais pas des informations. En tout cas, je lirai pas tout ce que tu avais dit. Toutes les Mais je veux qu'on parle de ça, parce que là, on Avec parle de plaisir. Studio, puis on parle de certaines difficultés, tu sais, du milieu. Ouais. Puis là, bien sûr, les jeux vidéo, c'est difficile pour tout le monde. Grand studio, énorme studio et petit studio. Mais ça, c'est correct, mais notre discussion, c'est parce qu'on parlait du fameux crédit multimédia. Exact. Qui est un crédit d'impôt qui a été instauré par Bernard Landry, il y a super longtemps. Qui était le pourquoi Ubisoft s'était implanté à Montréal, entre autres, et pourquoi on est devenu une puissance, donc on disait la troisième ville la plus grosse en termes de production de jeux vidéo au monde. Puis ce crédit-là, il est octroyé de quelle façon? Suffit de faire des jeux vidéo, puis tu l'as? C'est... Ils payent quoi? Donc, en gros, c'est les gens qui sont sur la production. Donc, ça exclut marketing, ça exclut l'overhead, si on veut. Donc, ça ne s'appelle pas... Donc, ça paye les programmeurs, les designers. Surtout les programmeurs, designers, artistes. Oui. Grosso modo. Donc, c'est un pourcentage sur le travail qui est remis sous forme de crédit d'impôt. OK. Puis ça, ça a-tu un lien avec les... Y a-tu un rapport avec les ventes ou c'est donné automatiquement à tout le monde? C'est donné automatiquement. OK. Si le studio est éligible, évidemment. Ah ouais? Comment on fait pour être éligible à ça? Sais-tu? Tu sais, comme je dis souvent, moi, j'ai... Chaque chose que j'ai faite, je l'ai faite une fois. Fait que je veux dire, je sais que nous, la première fois qu'on l'a fait, puis ça va déjà faire 10 ans bientôt, là. Ouais. Fait que je sais pas exactement c'est quoi, mais... OK. Vous y avez eu accès, puis là, c'est bon. Et depuis ce temps-là, chaque année, on s'assure que tout est bien fait. C'est important que le français ait la même place que l'anglais. Ouais. Une place égale ou supérieure à l'anglais. Ouais. Sinon, le crédit descend. Okay. En pourcentage. Okay. Donc, c'est des choses qu'on s'assure. Mais, OK. Puis là, ça, c'est... présentement, la CAQ veulent... C'est où c'est fait? Ils veulent couper ça, ben, ils ont annoncé qu'elle allait baisser. Okay. Encore une fois, pour tous les détails, là, j'ai pas amené de feuilles avec tous les chiffres, donc je les connais pas par cœur. Non, je veux pas te... mets pas sur le spotlight avec ça. On jase demain. Ouais, en gros, si ma mémoire est exacte, ils vont baisser le crédit de 2,5% jusqu'à 10% sur 4 ans. Ça commence à la fin d'année, ça, je sais pas. OK. OK, puis, fait qu'il baisse un peu année après année. Il baisse un peu, mais ce qui fait vraiment mal, c'est que le premier 18 000 $ ouais. par employé ne sera plus éligible. Et ça fait mal au Indie parce que en Indie, tu sais, c'est pas des salaires de 320 000 comme chez CGI, mettons. Ouais. Fait que le premier 18 000 est important, puis aussi si tu veux des stagiaires, aussi si tu veux des temps partiels. Mm-hmm. Parce que si... souvent dans les médias, on voyait souvent des studios indépendants qui disaient ben ça vaut plus la peine d'engager un stagiaire ou un nouveau parce que ça me coûterait le même prix d'engager un senior. Oui, parce qu'il faut que tu le formes aussi. En plus, faut que tu le formes. Ben, faut que tu le formes. Mais avant, c'était le fun parce que c'était un salaire d'entrée, parce que c'est quelqu'un qui commence, tu lui donnes sa chance, puis t'as un crédit d'impôt sur lui aussi. Mais là, maintenant, vu que le premier 18 000 $ n'est plus là. On n'a pas tendance à donner leur chance aux jeunes. Ben, fait que là, ça freine les surtout jeunes. Surtout que, tu sais, il y avait de plus en plus d'efforts mis pour la relève parce qu'on était en pénurie de main-d'œuvre. Ouais. Donc, il manquait de monde. Et c'est pour ça qu'il y a eu la flambée des salaires. Mm. Oui. Qui était très flamboyante. Un peu trop, je pense. C'est pour ça que c'est rough pour un indépendant, parce que tu coupes plus que la moitié de son crédit à cause du 18 000. C'était ça l'information. Puis moi, ce qui me fâche le plus, c'est même pas ça. Parce que je comprends que les Québécois, il faut qu'on se serre la ceinture, même si il y a des rapports qui sont sortis que chaque dollar investi dans ce programme-là en rapporte 1,07 $. OK. Donc, un taux d'intérêt de 7% garanti, en ce moment, c'est très bon. Okay. Moi, je mettrais mon argent là-dedans. Si tu me dis 7% garanti chaque année... Là... Si j'ai de l'argent à investir, par contre. Évidemment. Mais là, ouais. Évidemment. Puis, le hic, c'est que ils ont enlevé subtilement la limite au-dessus de 100 000 $. Ben, c'est ce qu'on dit dans le chat, notre ami Kevin Boilly. C'est là que je m'en allais. Il dit... Les salaires de plus de 100 000 vont maintenant admissibles, ce qui n'était pas le cas. Donc, c'est vraiment une mauvaise nouvelle. C'est pas une mauvaise nouvelle pour Ubisoft. Ah ouais. Fait que oui, non, mais, parce qu'ils ont aussi beaucoup de. Des QA, ils ont aussi beaucoup de gens dans une échelle salariale un peu plus basse. Mais c'est là que je m'en allais. Ce qui, moi, me fâche, c'est qu'en enlevant la limite de 100 000 et plus, ben les compagnies, justement, comme CGI, qui payent leur monde des salaires de fou, ça veut dire que eux vont pouvoir rentrer des salaires de fou. Puis se faire compenser. Puis c'est ça. Fait qu'eux autres, ils ont gagné. Fait qu'au bout du compte, on dit aux contribuables... Eux autres vont avoir un crédit d'impôt. Ben c'est ça. Au début... T'es déjà big, puis on te donne un crédit par-dessus pendant que t'es... En gros, on enlève... Les contribuables pensent qu'ils économisent. Mais au bout du compte, les contribuables vont peut-être dépenser autant. Mais à la place que ça soit distribué... au bas de l'échelle, puis que les studios indépendants en profitent, ça va être donné au grand méchant loup qui va prendre l'argent, le mettre dans ses poches, puis le sortir de notre économie. Ben, c'est qu'il faudrait que les gros, ils soient... qu'ils n'aient pas droit à rien, dans le fond. C'est quoi la solution? C'est qu'on arrête de donner ce crédit d'impôt-là à partir d'un chiffre d'affaires de 3 millions? Il n'y a pas de bonne solution, évidemment. On peut en jaser. Puis, tu sais, c'est un problème très compliqué. Mais Parce que... Ben, il y a une autre subtilité qu'ils ont mis aussi. Il faut que les compagnies fassent de l'argent. Ben, tu vois, ça, je suis pas con. Mais vas-y, je... Ben, c'est parce que le problème, c'est qu'en jeu vidéo, tu fais pas d'argent avant que tu sortes ton premier jeu. Ça peut prendre 4 ans. Ouais, ben, il faudrait que ça soit compté à partir de ce moment-là, en effet. Là. C'est ça, mais comment tu fais ça? Quand je sais pas, comment ça prend 4 ans sur la prod, puis après ça, ton jeu va faire de l'argent sur 4 ans. Fait que c'est comme impossible à calculer sur 8 ans pour une entreprise. Fait que c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une manière fiscale d'avoir une solution annuelle. Parce que sinon, les lois ont le temps de changer, ouais. Les gouvernements changent. Fait qu'il faut vraiment trouver une manière. Tu peux pas donner de façon anticipée, parce que si 4 ans plus tard, ton jeu sort et il plante, ben là, ou il sort pas. Faut que tu redonnes cet argent-là. Non, mais là, il donne de façon anticipée. Là. Demain matin, moi, je m'ouvre une business, j'ai droit à tout ça. Non, mais t'as pas l'argent sur le coup, t'as l'argent À chaque année, j'ai des crédits d'impôt sur les employés que j'engage. Mais sur l'année d'avant. Ouais, c'est ça. Première année, j'ai rien. Deuxième année. Normal, j'ai des crédits d'impôt. C'est ça. Et puis, mais même, je fais rien. Là. J'en ai trois, on va le faire, notre jeu, c'est bon. Finalement, on fait le jeu, c'est fini dedans. Puis moi, j'ai stocké de l'argent, tu sais, à rien faire. Là. Puis mon résultat est pas bon, tu sais. Fait que c'est peut-être ça qui vise à éradiquer un peu. Mais là, c'est quoi le ratio de compagnie rentable aux yeux du gouvernement versus les non rentables, tu sais? Ils ont-tu l'impression de feeder tout le monde? Puis que le trois quarts de tout ça rapporte pas assez. Mais c'est là, ils se disent, c'est juste les gros qui rapportent. Mais c'est aussi ça le problème, c'est que s'ils donnent l'argent à ceux qui ont fait du profit, c'est comme dire, ben merci d'avoir fait de l'argent avec notre main-d'œuvre. Voici des millions des contribuables que vous avez pas de besoin. Ouais, mais tu l'as déjà le crédit d'impôt. En faisant ton. T'sais, c'est juste. Non, mais moi, je te parle de que maintenant, ils veulent le changer, puis c'est les compagnies qui font du profit seulement qui l'ont. Ouais. Fait que c'est comme un peu absurde, parce que ça donne pas la chance. Fait qu'il y aura plus personne qui peut mettre un studio. Exact. Il y aura pas de nouveau studio. Il y aura droit avant 5 ans. Ouais, c'est ça. Exact. Fait qu'ils vont commencer à les donner à partir que t'es sans map avec ton premier jeu. C'est ça qu'on parle. Il y aura pas de coup de circuit. Puis au lieu d'essayer de s'autofinancer et de garder nos propriétés intellectuelles ici, ben on va trouver des investisseurs chinois. Ouais. T'sais, c'est plate, mais... Mais, ouais. Mais, tu sais, en même temps... Je trouve que ce crédit d'impôt-là fait partie du plan d'affaires de bien du monde. Puis, tu sais, ça devrait pas, tu sais, d'une certaine façon. Ouais. T'es supposé faire tes affaires. Il y a une raison aussi pour ça, c'est que à cause de l'envolée de la main-d'œuvre, surtout des programmeurs, ouais. Ben, ces gens-là iraient travailler dans d'autres industries parce qu'il y a une pénurie. Donc, c'est comme une manière aussi les garder de pouvoir avoir un peu plus d'argent pour les payer ce qui serait payé ailleurs. Oh. Parce que nous, on n'arrive pas à être profitable avec ça. Mais au bout du compte, collectivement, aux yeux des contribuables, l'argent reste puis on fait 1,7$ par dollar. Ouais. J'avoue que j'avais pas pensé à ça aussi. Le monde quitte le domaine du jeu vidéo et va aller faire des grosses payes ailleurs dans n'importe où, là, finalement. Il va en avoir des passionnés, il va toujours en avoir. Exact. Ils sont prêts à avoir un pay cut pour participer à une aventure. Mais c'est pas 90% de la population. Non, vraiment pas. Moi, j'en connais deux. On va mettre On peut checker les commentaires un peu. Le go préfère aider les gens riches. Il n'y a pas grand fan de logo dans le chat en ce moment, en tout cas. Ouais. Le problème est que le cash crédit finit dans les poches des gros... Justement, il faut créer un marché qui bénéficie les jeunes pour recréer un bassin de compétences. Ouais, aussi. Exact. C'est pareil en informatique. Ouais, en informatique aussi, j'en doute pas que... Je parlais à Albosseron, justement, en magasin cette semaine, qui est en informatique, puis il n'y a plus personne, tout le monde s'en va, c'est malade. Toi aussi, JF, t'es là-dedans, là, tu sais. Il manque de main-d'œuvre partout. Ah ouais, c'est pas évident. Pas évident du tout. Je suis un prog, j'ai quitté le jeu vidéo parce que c'était trop difficile de rentrer. Ben là, pour une des premières fois depuis que nous, on a fondé Outermind, moi, je connaissais moins l'industrie, là, 10 ans et plus, mais c'est la première fois dans les 10 dernières années que j'entends que des programmeurs qui ont de la misère à se trouver des jobs. Ah ouais, moi avec, j'étais sûr que des programmeurs, c'était genre... Les programmeurs, là, tu disais... comme des anges, là. Tu sais, mettons, le programmeur arrivait, puis il dit « Ah, il me reste un an d'études, c'est pas grave, peux-tu travailler, oui. Peux-tu commencer demain? » Exact. Mais il me reste un an à l'école, non, tu commences demain. Mais comment ça, donc? Parce que tout le monde était surpayé, ben, c'est parce puis ça a crashé. Ben, c'est pas juste ça, il y a plein de compagnies qui sont venues s'implanter ici. Warner, EA, il y en a vraiment beaucoup. Qui sont venus ouvrir des studios à Montréal. Ouais. Puis ils ont ramassé. puis ils ont ramassé tous les seniors, puis les salaires ont explosé, puis ça jouait à la balle de s'échanger des programmeurs à coût de 10 000 de plus. Ouais, ouais. Mais y a-tu un effet aussi de ces grosses compagnies-là qui font que, bon, tu fais la même poutine à tous les jours, fait que là, tu formes des gens, puis à un moment donné, quand ils sont écœurés, ils ouvrent des studios, puis ils fondent des affaires, tu sais. Il y a comme un petit retour aussi. C'est le retour du ballon, probablement. Tu sais, moi, je pense à des studios comme Ubisoft qui est, selon moi, probablement un des bons citoyens corporatifs de ces grosses bébites-là. Exact. Qui sont au Québec. Ils redonnent, ils ont des écoles, ils forment le monde, puis... Ben, à leur détriment, probablement qu'il y en a beaucoup qui, à un moment donné, quand ils sont rendus bons, ben, ils testent le marché pour essayer d'aller chercher un 10 000 de plus ailleurs eux aussi. T'sais. Exact, exact. Mais c'est vrai que c'est une bonne bébite, Ubisoft, dans le sens-là, où est-ce qu'ils passent ben du monde là-dedans, tu sais, puis c'est ben, ils mettent aussi beaucoup de sous pour redonner aux autres. Absolument. C'était mon deux sous par rapport à Ubisoft. Là. On aime les haïr, mais on aime les aimer aussi. Ben, tu sais, il y a les jeux, mais il y a les affaires là, aussi. Oh, là, ouais. Ça, c'est faut regarder le paysage économique de tout ça. Là, c'est important. Il y a un qui dit que les AAA prennent beaucoup les seniors, mais pour les juniors, c'est plus difficile. Ben, avec le nouveau crédit d'impôt, ça va encore être payé. C'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, on n'est pas. C'est ça. Fait que là, on a plein de jeunes qui sont fait dire qu'il y a de l'emploi là-dedans. Fait que là, ils sont en train d'être formés. Puis là, ils sortent de leur formation. Puis là, oups, ah ben finalement, on a tout changé. Parce que les petits studios peuvent pas les engager parce qu'ils ont plus leur crédit. C'est ça. Puis les gros veulent pas les engager. Parce qu'ils ont pas les compétences. Il y en a pas des gros studios qui veulent engager, donner leur chance à des genoux qui sortent de l'école? Ça existe-tu, ça? Ben, ils vont avoir de moins en moins. Même eux vont se dire, ben là, si on n'a pas le crédit sur le premier 18 000, ben on se met de payer quelqu'un à 18 000 de plus. Ouais, même les gros studios, ils vont se dire ça, anyway, même pour un salaire d'entrée. Ben oui. Ouais, tout le monde. Ouais, ouais, ouais. C'est une drôle de situation, quand même. Archie Coffee vient de se faire remplacer par du AI chez TVA, puis il se demande où est-ce qu'il s'en va. Wow! Ça, c'est une autre affaire aussi. On est, ça touche pas tout le monde, là, mais toi, JF, ça s'approche de... Non, je pense pas. Ça façonne ton quotidien. Ça m'aide à mon travail général, mais ça va pas remplacer un programmeur ou un architecte, jamais. Là. Non. Mais Milder. Du bon et du mauvais avec ça, comme toute nouvelle technologie, comme tout changement de paradigme, il y a quelque chose de bon et de mauvais qui va arriver avec. Là. Ouais, exact. Ah non, c'est pas évident. Ouais. Fait que là, votre nouveau jeu, c'est en brainstorm présentement? Ou... Ben, écoute, en ce moment, c'est sûr que c'est plus les artistes et les designers qui travaillent dessus. Parce que les programmeurs sont... Avez-vous décidé du style déjà? Oh oui, il y a un titre. Il y a un code name. Là. Oui. que je ne divulguerai pas ce soir. mais je suis bien excité par ça. C'est le fun parce que ça faisait plusieurs années qu'on était sur TurboKid, fait que ça amène un vent nouveau de voir d'autres choses sur ces écrans. Donc, bien excité par ça. Mais encore une fois, les programmeurs, eux autres, sont les mains pleines dans TurboKid. Ouais, ben, c'est tout le temps ça. T'sais, c'est les designers puis tout le monde qui finissent en premier, les programmeurs finissent en dernier, je pense. Mais moi, j'aimerais ça travailler dans un studio pour ça. T'sais. OK, on fait un nouveau jeu. Chris, on peut faire tout. T'as le choix entre tout. Ben, c'est ça. En même temps, c'est dur là, d'arrêter un style. C'est pire, là. Tu sais, chez Subway, il y a trop d'affaires, fait que c'est compliqué, là. Ben, c'est ça. Fait qu'imagine s'il y avait encore plus d'ingrédients. Imagine des olives vertes. Ah, non, c'est ça. Faut que tu décides, là, à travers ces affaires-là. Trop d'ingrédients. C'est pour ça que dans un game jam, quand on fait un jeu en un week-end pour le fun, j'aime ça qu'il y ait des grosses contraintes. Parce que des contraintes, c'est le fun. Ouais, ça rend créatif. C'est ça. Puis ça te donne un paramètre. Fait que tu vas pas t'égarer pendant des heures à trop réfléchir à certaines choses. De pourquoi le Pico 8 est tellement le fun à regarder et à programmer aussi. Parce que t'es dans un petit carcan. T'as pas le choix d'être pris les limites qui t'imposent. Exact. Ben, moi, j'ai étudié en design, puis c'était la même affaire. Ouais. Tu sais, comme quand ils disent, faites le projet que vous voulez. C'est comme, tabarnak. Quand tu dis, fais une affiche, t'as trois couleurs, puis t'as ce thème-là, puis il faut que ça soit. Ok, là, regarde. Fait que là, tu cherches dans ces paramètres-là le plus de choses que tu peux faire. T'sais. En fait, il faut se paramétrer en créativité, je pense, parce que sinon, on n'y arrive plus, là, à un moment donné. Fait que, ouais, cool stuff. C'est du fun. Sur la fin de la musique, en fait. Direct sur la fin de la musique. Ah. Oui, mais dans des nouvelles positives, par exemple, On a Red Barrel avec Outlast, que ça va super bien. On a Sabotage qui vient de nous pondre deux pépites en quelques années. Exact, exact. Que ça va super bien aussi. Donc, c'est le fun. On a une industrie en santé malgré tout. Oui. On va peut-être perdre un bras cette année, toute la gang, mais on a une industrie assez en santé, puis assez... Quelque chose qui est vraiment spécial, c'est que tout le monde s'aide au Québec. T'sais, on est membre, la plupart des studios sont membres de la guilde. Oui. Même les autres pays sont impressionnés à quel point qu'on s'entraide. Ils sont comme, mais là, vous allez pas vous nuire. Parce qu'en vrai, on sort un jeu aux 4 ans chaque. Là. Exactement. C'est voyons. Il y a pas, c'est pas de la vraie compétition. Là, t'sais. Exact. À moins qu'on sorte un jeu de hockey en isométrique la même date, là, je vois pas comment qu'on pourrait se nuire. Là. Non, non, exact. Puis, ouais, c'est vrai ça. La guilde, parle-moi de la guilde un peu. C'est quoi son rôle avec les studios indépendants? La guilde, elle vous guide. C'est une guilde. elle vous aide sur les subventions. Elle parle au gouvernement. Entre autres. Mais l'objectif de base de la guilde, c'était d'avoir un pouvoir d'achat pour des services, entre autres. Parce que, tu sais, quand tu as un studio de 5 à 10 personnes, c'est très difficile de pouvoir te payer des assurances collectives qui ont de l'allure. Ouais. Tandis que quand tu es un bassin avec plein de studios qui se mettent ensemble, là, ça devient possible. Ça, c'est très, très bien. Puis partage de connaissances. Ça a l'air nono, mais... Faut que je fasse traduire mon jeu en 20 langues. Je fais quoi, là? Ouais, qui j'appelle? Puis pourquoi lui plus que lui? Il y en a... Tu sais, des compagnies qui traduisent, là, mettons, là, quand tu te promènes à GDC à San Francisco, là, la Gaming Developer Conference. Ouais. Les compagnies qui font de la traduction, là, c'est comme des yens, là. Quoi, ils vous courent après, ils veulent tout traduire vos jeux? Il y en a tellement! Ah, ouais, hein? Mon ils sont Dieu. Toutes meilleures, puis tu sais, puis... Toi, t'es pas capable de lire ce qu'ils écrivent, fait que tu ne sais pas s'ils sont bons. Ben, mais je sais pas. Je connais pas la langue. Moi, si quelqu'un me dit, hey, mettons, votre turc, c'est de la merde, ben, je OK. je sais pas quoi faire. C'est clair. Ben, il faut que les Turcs vous appellent ici. Ouais. Là. C'est-tu de la merde qui a des fautes ou que c'est. Tu sais, un peu de la merde comme les mauvaises traductions qu'on avait des jeux Famicom en Amérique du Nord, là, tu sais. Ouais. Les gros classiques comme ça. Tu veux pas ça dans ton turc, dans ton. Ben non. Tu veux pas all your bases belong to us en turc dans ton jeu là. Ben non. Ben non, il y a ce genre de service là. Il y a aussi ben nous on a beaucoup les compagnies de ads parce que on faisait des jeux mobiles. Oui. Fait que tu me demandais c'était quoi mon quotidien ces temps-ci. Moi je gère des feuilles Excel puis je gère les régies publicité qu'il y a dans nos jeux. Donc à chaque fois que tu regardes une pub, c'est comme l'algorithme qui va décider si c'est laquelle tu regardes à ce moment-là, laquelle qui va t'envoyer. Là. OK. Puis toi, tu gères, tu définis un certain nombre de pubs. Ah ben non, c'est les pubs, c'est pas toi qui... Non, c'est vraiment... Ça serait un stream complet. Ouais. juste gérer ça, puis l'acquisition de joueurs, là, le UA, le User Acquisition, là, okay. De mettre de la pub à des endroits... dans notre cas, c'était surtout YouTube parce que notre jeu s'appelle Tuber Simulator. Bien sûr. OK, mais toi, tu décides, on va en mettre sur YouTube. Oui, on met des pubs, puis on a des stratégies, on a des manières de d'avoir de l'information sur certains joueurs. C'est du witchcraft. Oui, ben vraiment. Ah ouais, c'est de la magie noire. Non, mais c'est une autre affaire. Il y a des agences pour ça. Nous, on utilise une agence pour ça, pour nos publicités. Voyons, si vous faites rien. Non, mais il faut qu'on les nettoie, toutes ces maudites cassettes-là, ici. Là. C'est long, enlever toutes ces collants de blockbusters-là. Je comprends. Tout le budget passe dans Q-tips, c'est dans l'alcool. Ben oui, ce gaz à lighter-là, ça siphonne tout le budget. Non, mais hey, c'est c'est de l'ouvrage, ça. C'est, non, c'est non, j'en doute pas. Ben, j'en doute. C'est toi qui le fais, man. Comme tu dis, c'est de la sorcellerie. Je serais même pas capable de commencer à m'avancer, à comprendre toutes ces affaires-là. Là. C'est vraiment quelque chose. Non, c'est comme un running gag, Shatterminds, parce que j'aime vraiment ça en parler. Puis ça intéresse vraiment personne. Personne, c'est ça. Ton travail intéresse personne, Guy. Désolé. À un moment donné, je me souviens, il y a un employé pour me faire plaisir. Hey, Guy, j'aimerais ça que tu m'en parles. Je suis comme. Assis-toi. T'as-tu 8 heures? T'es-tu sérieuse? Tu me niaises? T'es-tu saoule? Non, j'aime. Moi, j'ai comme développé une passion pour quelque chose que je savais même pas qu'il existait avant. Ouais. Parce qu'à un moment donné, il fallait que quelqu'un le fasse. Tu sais, vu que j'étais pas vraiment et que j'étais partiste, ben, encore une fois, je ramasse tout ce qu'il y a en dehors du sac. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Je ramasse ça. J'allais à des conférences, j'ai pris des formations, puis j'ai eu des représentants de Google, de Facebook. Je me suis fait payer une bière par Mark Zuckerberg. Mais le gars, il avait une carte de crédit Facebook, faut que je pense que ça compte. Ah ouais? C'était-tu écrit Facebook sur la carte de crédit, donc? Ah oh ouais? Ah ouais? Oh ouais. Oh, le gars, il dit c'est Uncle Zuck qui paye. Yeah! Ah, wow! Ça, c'est le fun, par exemple. Parce que oui, il a fallu que tu te mettes à apprendre plein d'affaires et tout ça, mais en même temps, tu voyages, tu rencontres plein de gens, plein de départements, plein de... On est allé boire de la bière au Benelux ensemble. Tu connaissais tout le monde. Ben en oui. fait, on s'est... Giz, il a dit, on était assis dans le coin, Giz, on va s'asseoir au centre ici. Tout le monde qui est rentré, hey, Giz! Hey, Giz! Tout le monde connaît Giz. C'est c'est ma gang, là. Ouais, c'est ça. On est, encore une fois, on est une gang, tu sais, on parlait de la guilde tantôt, puis qu'on s'aide, puis que chaque fois qu'il y a un problème, là, c'est... On s'appelle, puis... Écoute, il n'y a pas de secret, là. Il n'y a pas de « Ah, oh, mais là, tu vas me signer un NDA, là. » C'est pas non. C'est un « Friend-DA ». Friend-DA, j'aime ça. Puis sinon, ben, parlons aussi un peu de... Ben, on a déjà parlé de Turbo Kid. Je sais pas si on en a parlé tantôt. Allez l'acheter. Allez l'acheter sur Steam. C'est là, là. Oh, oui. C'est pas cher. C'est pas cher. C'est quoi, 20... C'est 19,99 US. Donc, en ce moment, il est à 26,99 si je ne me trompe pas. 25$. Vous avez tous 25$. Là. Tout le monde qui a Steam présentement, allez acheter ça dès maintenant. Metroidvania, c'est excellent. Vous pouvez jouer à Apple si vous voulez. Ah ouais, hein? Elle a un gnome stick à la place d'avoir une machette. T'as une licorne sur son basic. Ah ouais. Nous sommes de retour. On attend Dom, il est parti faire... Il est parti pédaler un peu, la génératrice avait de la misère. C'est ça. Je sais pas ce qui s'est passé là. Tu t'en mets du WD-40, c'est gear. Ça a crashé. Ah ouais, c'est on ça, Giz. Pour un monde post-apo. Giz, il met trop d'énergie, là. Il a trop de présence, là. Ça a fait planter la machine. Vous le verrez pas en audio, ça va être coupé au montage. C'est vrai. Bon ben, merci tout le monde d'être revenu. Donc, on disait... que tu étais sur YouTube depuis belle lurette. J'ai commencé ça en 2006. Moi, à l'époque, je faisais les chansons des Justiciers Masqués à C'est quoi. OK. Ça, il n'y a pas beaucoup de monde qui savent, mais même le thème de l'émission, là, le... Les Justiciers Masqués. C'était moi. Tu faisais juste la voix ou... Je faisais juste les voix qui m'appelaient en studio. Il y avait écrit les tunes, puis c'est moi qui chantais. OK, t'étais un voice actor. Ouais, ben de chansons, parce que j'essayais de gagner ma vie comme chanteur quand j'avais étudié en comédie musicale, c'était compliqué. Puis à l'époque, ben tu sais, ils parlaient de moi des fois, c'est quoi, mais tu sais, c'était les Justiciers Masqués, c'était pas moi. Fait que j'avais commencé à faire des niaiseries sur YouTube, surtout de musique. Puis à un moment donné sur YouTube, ils sont mis à nous striker parce qu'on n'avait pas le droit de faire de la musique avec des affaires qui n'étaient pas nous autres. Bien sûr. Puis à l'époque, c'était vraiment sévère. Là. C'était une strike, puis t'en as trois, t'es mort. Là. C'était comme « Wow! » Fait que je me suis mis à faire des niaiseries de jeux vidéo. Parce que j'aimais ça, les jeux vidéo, puis j'avais toujours voulu faire des jeux vidéo depuis que j'étais petit. Tu faisais du stop motion. Je faisais ça entre autres. J'ai du stop motion, un peu de tout. À l'époque, c'était très artsy YouTube. Oui, donc, c'était très artsy, je me rappelle de ces affaires-là que j'avais regardées. Je faisais plein de niaiseries comme ça. Puis là, à un moment donné, j'ai rencontré Laurent Lassalle dans un événement qui s'appelait le Geek Fest. Defunct événement qui n'existe plus. Je me rappelle de ça. Hein? On est allé. En 2000, on est allé. On l'a fait, le Geek Fest. Moi, j'ai fait pour la soirée du podcast, mais on l'avait fait avec Rétro Nouveau aussi. On l'avait fait une fois, c'est vrai, ça fait un bout. Ça a duré quelques années. Quelques années. Là, ça fait à peu près... C'est à peu près 11 ans et des poussières que Laurent et moi, 12 ans à peu près qu'on s'est rencontrés. Puis Laurent m'avait attiré, il avait amené une Famicom, puis moi je connaissais pas ça, là. Oui. Je l'ai jamais vu. Là. Fait que là, il me dit, tu veux-tu jouer à Zelda avec du meilleur son? Oui, s'il te plaît. Fait que ça a commencé comme ça, puis à l'époque, on tripait bien gros, c'est Game Grumps. C'était quoi ça donc? Les Game Grumps, c'était une gang qui faisait des let's play. Souvent, on les voyait pas, ils mettaient pas de caméra. Okay. Laurent disait, on préfère la même chose, mais avec des caméras. Fait que là, on s'était acheté une GoPro, puis on filmait par en dessous, on voyait juste les genoux, c'était niaiseux. Fait qu'on s'est mis à faire des vidéos, puis là, 11 ans a passé pour le jeu, c'est sérieux. Puis vous faites encore ça. On est live presque tous les jours. Mais le jeu, c'est sérieux, toi puis Laurent qui jouez un jeu. Ça, c'était la formule de base. Ouais, c'était la formule de base. Le faites-vous encore régulièrement? Sur YouTube, les Let's Play, c'est plus... ça a moins la cote. Fait que maintenant, on fait des lives pour les Let's Play sur Twitch. Okay. Ils sont aussi sur notre chaîne secondaire, le jeu C'est Sérieux Live, sur YouTube. Mais maintenant, on ne met plus de Let's Play sur la chaîne principale YouTube. Maintenant, ça va être juste concentré collection. Collectionner, c'est sérieux. Collectionner, c'est sérieux. Bricoler, c'est sérieux. Puis, on essaye un nouveau format qu'on on travaille. On essaie de mettre le plus de culture pop dans nos vidéos de nostalgie, des niaiseries des années 80-90. OK. Pour illustrer nos propos. Donc, ça, on essaie d'aller plus là-dedans. OK. Par exemple, on a fait Astro le petit robot. Puis, on a glissé plein de nostalgie. Pas nécessairement de jeux vidéo là-dedans. Comment? Il y a pas nécessairement... Oui, il y a un jeu vidéo qui est la base. OK, ça demeure là. Okay, oui, okay. Là, on parlait d'Astro, le petit robot sur Famicom. D'accord. J'ai jamais essayé ça. J'avais même pas que ça existait. Moi, ça pas de le seul jeu d'Astro que j'ai joué, c'était au GBA. C'était très bon, d'ailleurs. As-tu déjà joué? Sur GBA? Omega Factor, me semble. Non, j'ai pas joué. Tu l'essayeras. Un jeu de Treasure, c'est très bon. C'est sûr qu'il va être meilleur. c'est ça. Fait que maintenant, vous pouvez nous voir, Laurent et moi. On est ensemble tous les samedis après-midi. Ça, c'est notre date de duo. Ouais. Laurent, vu que lui fait le jeu C'est Sérieux à temps plein, est live l'après-midi, presque 7 jours semaine. Sauf le dimanche, genre, où des fois, il décide de streamer pareil. puis moi, je stream généralement le soir. Okay. Moi, je suis là officiellement les mardis et jeudis, mais souvent, je vais décider de streamer pareil les trois autres soirs. Ouais, c'est ça. Puis Laurent, souvent, va faire un stream de nuit après, quand moi, je vais y céder l'antenne après. Fait qu'on est presque live tout le temps. Puis les vidéos, j'essaye d'en faire une par semaine. OK. Puis Laurent, lui, il game, il essaye des jeux? Parce qu'à un moment donné, il était parti sur le démineur. Mais ça fait des années. OK. Mais là, il vient de finir Stellar Blade, par exemple. OK. Moi, je joue plus à des jeux rétro. Ouais. Mais là, on joue ensemble samedi, on fait le nouveau Paper Mario. Ouais. Parce que Nintendo bon. Vous a mandaté de le faire, je pense. Non, ben oui, mais on a continué parce qu'on a du fun. Ben oui, bien sûr. Parce que moi, j'étais bien fan de Mario RPG. Je pense que c'est un des meilleurs jeux de la franchise Mario, là. Fight ouais. Me. Ben, ça tombe bien, il y en a quelques copies de Spare chez Retro MTL. Ah! C'est comme, on s'attendait à un raz-de-marée avec ce jeu-là parce que tout le monde capotait, tu sais. Ben oui. Puis là, on était fresh de Mario Wonder, là, tu sais, qui avait été un hit incroyable. Puis ouais. on a commandé autant de Mario RPG, là, tu sais. Puis man, on a vendu, là, peu. On est pogné avec ça, là. J'étais sûr. Sérieux, c'est une affaire, ça. Ben, je suis surpris. S'il y a une affaire qu'on... Non, mais, tu sais, on n'a pas commandé 1000 puis vendu juste 300, là. Mais, tu sais, je pense... je ne veux pas dire les mauvais chiffres, là. Mais, je pense... On n'a même pas vendu 100, là, je pense. Puis, on est resté pogné avec plusieurs. Puis ça, tu peux pas les retourner. Fait que tu meurs avec ça, puis ça bouffe le profit du reste. C'est ça qui est dur dans le retail. Ouais. C'est pas payant, les jeux neufs. Oh là là là là. Mais avec Turbo Kid, par exemple, ça va être le fun parce que... Je vais pouvoir te feeder. Me feeder at will. Ça va être illimité, la quantité de turbo kits qu'on va avoir ici. On va s'arranger. On peut toutes les vendre les 5000 si tu veux. Là. Si t'es capable, vous allez toutes nous aider. Si t'es capable, j'en printer d'autres. On va même faire un reprint. En fait, commence par faire un print PAL. Puis là, on va toutes les vendre. Puis après ça, on va faire un US. Puis là, le monde comme, oh shit, je veux upgrade ma version PAL pour une US. Ah, c'est bon, ça! Parce que moi, moi j'upgrade des versions vers US quand c'est possible. Tu veux pas une version PAL dans ton exact. Full set? Là? Ben, pour le Switch, par contre, des fois, il y a des first prints comme Fox and Forest, mettons. Qui existe sur Switch, version PAL only. Puis après ça, là, ils le font malheureusement sur PS4, là, mais il y a en US, bref. Mais, mauvais exemple. Il y a des jeux. Il y a des jeux PAL de Switch qui sont faits genre par Super Rare, qui valent fucking cher, et puis qui sont refaits par Limited Run par la suite. Puis c'est la version PAL, la première, qui demeure quand même la plus chère. Donc voilà, faut checker vos PAL, guys. Checker vos PAL. Qu'est-ce qu'on disait avant ça? On disait que t'avais vraiment beaucoup de Mario RPG. On parlait de Mario RPG, les meilleures franchises au monde. Que vous jouiez à Mario, Paper Mario. Là, présentement. C'est ça. Puis sinon, moi, je fais beaucoup de courses de Zelda Randomizer. Ouais, t'as de l'air de... Ouais, hein? Ça, c'est un univers. C'est Zelda. Le monde, il capote avec ça. Hein? Ben, c'est parce qu'imagine, Zelda, Link to the Past, c'est le meilleur jeu de tous les temps. Ouais. Après Castlevania. Non, okay. Non, mais c'est un jeu... T'as tort, là, mais... C'est plus complet, là. C'est un coup d'ici de la dame de raison, je pense. Mais imagine que tu pourrais rejouer... Je préférerais Symphony of the Night. Imagine pouvoir Symphony of the Night Randomizer, là, je serais in. Mais imagine rejouer à ton jeu préféré, puis à chaque fois, c'est différent. Ouais. C'est hot. Ouais. Fait que, puis en plus, on fait des courses contre du monde, puis il y a des ligues, puis il y a des classements, puis là, il y a le stress de quand tu finis, puis là, des fois, tu finis à quelques secondes sur des runs d'une heure et demie, c'est le fun, là. Ah ouais, hein, ok. Je l'ai pas, moi, cette pile. Puis il y a du monde qui anime sur Twitch, que mettons que j'affronte quelqu'un, fait que là, ils vont pogner les deux courses, puis il y a des commentateurs sportifs. C'est hot. Là, qui suivent les deux joueurs, puis là, Giz vient d'obtenir la Ice Rod, yeah! Mais comment tu fais pour savoir, tu sais, comme c'est random, fait que tu sais pas où la Ice Rod ou le boomerang? Cherche. Tu fais juste chercher. Ouais, puis à tonton. Non, mais selon les items que t'as, t'as accès à d'autres zones. Ouais. Là, tu dis, ah, là, j'ai pogné le grappin, puis j'avais accès à la Death Mountain. Ouais, ouais. Fait que là, je peux accéder à la Death Mountain par en bas parce que j'ai le grappin. Ok, ben tu sais que dans Death Mountain, il y a tout le temps. C'est la place à grappin. Fait, ouais, c'est ça. Fait que c'est de connaître ton Link to the Past par cœur au niveau de qu'est-ce qui est où. Et plus, puis... parce que maintenant, il y a des versions que même quand tu rentres dans des portes, chaque porte est différente, puis il faut que tu notes, que tu fasses un dessin pour. Tu sais, mettons, le château de Ganon peut être dans la forêt. Là. Ouais, c'est ça. Je sais pas. Hey, c'est insane. Joe Brochu, notre ami, il joue à ça aussi. Ouais, il est dans la ligue d'ailleurs. Et c'est un des commentateurs sportifs. Ah ouais. Il y a un tournoi de Dance Dance Revolution demain soir chez Arcade MTL que Joe Brochu anime d'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent. Si vous voulez avoir chaud... Très chaud. Yes, oui. Aller danser demain soir. On a l'air climatisé, mais je sais pas si ça va suffire. Ah ouais, hein, c'est un univers, ce Zelda Randomizer. Là. Mais à part ce jeu-là, là, est-ce que des fois tu joues, tu sais, pour le fun? Avec jouer personne. Pour le fun? Ouais. Tu sais, comme. Tu faisais tout seul? Pas tout seul, là, chez vous, là. Pas de caméra, pas de preuve, rien. Avoue que t'as pas le temps. J'ai plus le temps. Heureusement que j'ai le jeu, c'est sérieux pour jouer à des jeux, sinon j'ai plus le temps. Ouais, c'est ça. Le seul jeu que je joue encore pour le plaisir avec mes amis, c'est sur l'heure de dîner chez Outer Mind. Ça fait 10 ans que presque à tous les midis, 5 jours par semaine, on joue une heure de Rocket League pendant l'heure de dîner. Ah ouais, hein. Ah, ça. Mon gars, il joue encore présentement. Et tu me verrais jouer, tu dirais, ça fait pas 10 ans que tu joues. Moi, la 3D, c'est mon pire ennemi. Ouais, moi avec. Je suis très peu là-dedans. Hey, Jeff, voudrais-tu t'étirer puis me pogner une Mario Paint, s'il te plaît? Tu serais vraiment gentil. Giz, si t'es assez, Jeff, n'importe quoi. Il y avait une question de Elm Street 1428. C'est-tu un de tes auditeurs? Oui. Oui, hein? Qui demande, te relancerais-tu sur YouTube en 2024 si t'avais jamais commencé? Merci, Jeff. Ben, je pense pas parce que, un, j'ai 44 ans. Ouais, mais... Fait que probablement que j'aurais... Ben, tu sais... Ben, si on t'enlevait un 10 ans... 15... Ben, moi, je sens qu'il y a des choses qui changent en moi. Non, mais j'ai 44. Ouais. Puis on dirait qu'il y a une certaine fougue de médias sociaux, de création, qui diminue, tu sais. Moi, la partie qui m'épuise, puis que je suis pas bon, on en parlait justement. Tu sais, merci Laurent, d'ailleurs, d'avoir partagé des événements. Moi, tout ça, là, j'ai plus la patience pour ça. Le combat de gérer tous ces réseaux sociaux pour avoir de la croissance, de toujours être présent. C'est rendu tellement difficile. Il faut que tu te battes contre les algorithmes, Master. Il faut que tu les comprennes. Puis il y a tellement un gros bassin de médias et de patentes que disponibles que c'est une mer, le genre de contenu. Là, tout est rendu boutique, Astor, là, un peu. Tu peux avoir exactement ce que tu veux maintenant. Là. Fait que de rentrer dans les habitudes de quelqu'un, c'est difficile. Là. Oui. Puis moi, il faut que j'apprenne TikTok, là, plus. Pas obligé, là. Moi, non, mais il faut que je le fasse pour la business, tu sais. Non, mais c'est moi ici, là, tu sais. Les affaires outside, il faut que je fasse ça. Des comédies musicales en ligne, maintenant, toi? Oui, c'est vrai. Oui, j'ai vu ça. Florence m'a demandé de faire ça. J'ai dit, OK. Oh ouais. Elle m'a pas dit qu'elle allait filmer mes gougounes, par contre. Ben, c'est le meilleur bout. C'est vrai que c'était beau, par contre. Là. J'ai mal aux pieds. Si vous avez écouté mes podcasts précédemment, j'ai des problèmes de pieds, puis des fois, je me mets en gougoune. Donc, voilà. Mais oui, c'est. Je sais pas si c'est une affaire de vieillesse, mais de pousser tout, ça devient épuisant. On fait juste penser. C'est parce qu'on veut être sa coche partout, puis c'est pas possible, puis on a l'impression qu'il faut tirer sur 1000 affaires en même temps, tu sais. Mais je pense, c'est épuisant. Je pense que si je commençais aujourd'hui, je ferais plus des documentaires. Ah ouais? T'sais, quoi, à la Gaming Historian? Là. Ouais. Ça, c'est des gros projets, ça. Ouais, mais tu sais, c'est plus d'être moins souvent là, mais pour quelque chose que tu as travaillé fort hors écran. Mm-hmm. Je pense que ça serait plus ça. Tu sais, j'en jasais justement par rapport à YouTube. Tu sais, il y a bien du monde en ce moment qui essaie de reverse engineering ce qu'ils veulent faire sur YouTube. Puis j'essaie de me garder à jour, puis je suis plein de formations, puis je regarde ces formations-là. Puis au lieu de te dire, genre, fais ce que t'aimes, puis là, ils disent, ah ben là, ce qui punk, c'est ça. C'est comme, moi, mais c'est pas ça que je veux faire, moi. Je veux pas essayer d'être tendance. Là, je dis pas, mettons, qu'il y a un événement ou une fête, d'essayer de surfer sur la vague. Ça, c'est correct. Mais moi, ce que je veux dire, c'est d'essayer de pogner comme quelque chose que tu connais même pas, puis juste parce que c'est populaire de... Ouais. Mais tu sais, en même temps, moi, j'ai commencé ces médias sociaux avec Facebook parce que c'est le seul qu'il y avait. Ouais. Il y avait Facebook puis Twitter. Puis là, après ça, il y a eu Vine. Puis là, et après, il y a eu Instagram. Puis là, Instagram... Google+. Ouais. Puis quand Instagram a décidé de faire des vidéos, ben là, ils ont tué Vine. Parce que Vine, c'était des petits clips, c'était là. Puis bref. Puis là, il y en a un, puis un autre, puis un, puis un autre. Puis là, c'est trop. Moi, ouais. J'aime mon bon vieux Facebook. Parce que... Dans le genre, normalement, c'était sur MySpace, Dom. Oui, j'ai un MySpace. Il est encore là. Tapez MySpace de... Hey, il y a Jeff, une tonne qui joue. Es-tu capable? Oui, j'avais Toup de Cassius, qui nice. Peut-être qu'elle joue encore. Jeff... C'est quoi ton MySpace? C'est pas ben, Dominique Bourret, là. C'est MySpace... C'est quoi? Comment ça marche? MySpace.com/Dominique Bourret, peut-être? Je sais pas, moi, checker. J'ai une photo en chess que je tiens un Gémeaux ou un Metro Star. Je sais plus quel trophée juste pour rire. All right. It's out there, guys. Prenez-la, okay. Mettez-moi des pénis dans la face avec ça si vous voulez. Ça va pas loin, j'essaie de c'est là. Mais oui, fait que moi, j'ai bâti mes affaires tranquillement, mes projets avec Facebook, tu sais. Mais là, comme c'est plus ça. Puis ouais. Là, ben, il faut à cette heure que. Faut être TikTok. Puis, man, est-ce que le jeu est sérieux et sur TikTok? Es-tu sur TikTok? J'ai essayé un peu. Ouais. Sauf que c'est beaucoup de travail d'essayer d'être partout. Oui. Puis, avec Outer Mind, je manque de temps. Fait que j'ai décidé de me concentrer sur mes vidéos principales. Puis, si on réussit à faire des TikTok à partir de ça, ça va faire mon affaire. Mais faire du nouveau contenu pour TikTok, je trouve ça rough, là. Exact. Des fois, il va y avoir une niaiserie. Là, ma blonde est pas mal sur TikTok. Puis je serais pas surpris à un moment donné de me mettre à faire des niaiseries. J'ai essayé. Là, C'est ça qu'il faut faire, des niaiseries, je pense. Ben, c'est ça. Je vais essayer. Mais... mais c'est ça. C'est la pression. C'est de la pression, tout ça. T'es là, mais il n'y a rien qui load. Toutes tes photos sont genre cassées. Il n'y a rien qui veut loader. MySpace marche mal. Ouais. Ben là. Mais je suis là. Oh, ouais, t'es là. Mais... C'est-tu myspace.com/. C'est parce que Justin Timberlake s'est fait arrêter? Probablement. Ah, tout est bourré, il n'y a rien qui affiche. C'était lui, parce que j'ai rendu lui le propriétaire de ça. Ben oui, ouais. C'est acheté ça. Hostie. Il y en a qui se payent du luxe. Ouais, c'est ça. Il y en a qui s'achètent la télévision. Il y en a qui s'achètent MySpace. Ma blonde puis moi, on s'est acheté une boîte de cornets. Oh boy. Ah. Puis sinon, c'est quoi tes styles de jeu préférés? En gros, là. Ben, c'est, Zelda Link to the Past. Puis tous ceux qui essaient d'être pareils, ils ont tort. Exact. Donc, jeux de course. J'ai les jeux de course. First person shooter. Je te l'air Mario Kart parce que c'est pas un jeu de course, ouais, parce que c'est le fun. Oui, c'est pas pareil. Moi, je parle de course, là. Tu sais, Gran Turismo. À la limite, Top Gear ou Super NES, je sais pas quoi. J'aime beaucoup les jeux de grinding. Ça, c'est ce que je m'ennuie dans le temps que j'avais du temps. De grinder un jeu, là. Tu veux dire un RPG Un Final Fantasy, un Assist, là. Ouais. Ça, là, c'est le fun. Faire de l'XP dans le bois. Ah ouais, moi, ça me dérange pas d'aller dans le bois. Là. Ah, moi non plus. Je pense que des expériences de Twitch que j'ai eu le plus de fun, c'est quand on a fait Final Fantasy 1 avec juste des White Mage. Oui, ça, c'est un exploit. Ça, c'est dur. Puis on l'a refait avec Final Fantasy 3. OK. Puis là, on avait juste des White Mage, mais là, tu pouvais les upgrader à un moment donné. OK. J'ai jamais joué à Final Fantasy 2 et 3. Fait que nous autres, on a dit non, on est des médecins. Nous autres, on va. On veut pas devenir des médecins spécialistes, là, genre un Genre, notorino laryngologiste, proctologue. Non, non, nous autres. Un proctologue. C'est le fameux proctologue. On est des médecins généralistes. On va dans le fond des cavernes pour porter des prescriptions à des gens qui en ont besoin. Oui. C'était ça. Puis, OK. Et puis, first person shooter, là. T'as-tu une expérience là-dedans? J'en ai très peu joué. Moi, j'étais plus un gars de Age of Empires. Je m'en souviens quand j'allais sur la Plaza Saint-Hubert. Comment ça s'appelait? J'ai oublié comment ça s'appelait. Un café Internet. Un café Internet, ouais, là, oui. Qui avait. Mais c'était The Gamer, c'était hot, là. Ouais, ouais, c'était mon ami Max qui avait ça, je m'excuse, Max. C'est le Tribal. C'est le Tribal. Puis tout le monde jouait à des FPS, à part moi puis 2-3 personnes qu'on jouait à Age of Mythology ou Age of Empires 2. Puis ça, c'était mon genre de jeu. Ça, là. Puis ça, c'est ce qui me fait le plus mal en vieillissant. C'est que maintenant, contrôler 12 armées différentes puis avoir 87 buildings à gérer. Aujourd'hui, je joue à League of Legends puis juste gérer mon bonhomme, c'est trop, là. Ouais. J'en ai un à gérer. Avant, j'avais des petites armées. Fallait que mon cerveau se souvienne de tout où est-ce qu'il était où, là. Là, je me souviens pas ce que j'ai mangé pour souper. Ouais, ben, c'est ça, hein. Moi, je pense que je fais. J'arrête pas de le dire que je fais de la démence parce que j'oublie des affaires très banales puis tout. Mais des fois, je me dis que c'est parce qu'on a tout le temps la tête pleine, tu sais. Peut-être quand on était jeune puis tu jouais à Age of Empires, t'avais le temps, là, de réfléchir à toutes tes 1000 armées puis tout ça. Là, ouais, t'as tellement d'affaires à penser. La case REER, puis impôt foncier, puis tout non, ça n'existait mais... pas. Non, non, mais ben, toutes ces affaires d'adultes, là, plates, là, tu sais, c'est ça qui est tough. Hein, il va y avoir un remake d'Age of Mythology, merci Zombie Melter, je savais pas. Ben, on l'a vu au showcase de Xbox. T'as pas écouté le mais fameux non, showcase de Xbox? J'ai même pas écouté celui de Nintendo, t'as m'acheté occupé. Il a fallu que quelqu'un me dise 2 heures après: hey, as-tu vu, tu vas pouvoir jouer Zelda? J'ai comme: hein? Exact. Je travaillais, moi. D'ailleurs, cet après-midi, puis je l'avais oublié, c'était le showcase de Limited Run aussi, pour ceux qui s'intéressent. De ça, je retiens seulement Ninja 5-0 au Game Boy Advance, qui est un jeu de Konami quand même très cool, et puis qui est un grill de la console que juste le card vaut 500$, là, je pense. Fait que. Tu vas pouvoir y jouer, on va pouvoir y jouer. Très cool, genre de platformer. Mais, fait que t'as-tu regardé, parlons-en, le jeu de Zelda? Moi, ici, j'ai beaucoup de femmes qui sont en colère que Zelda, tu sais, encore une fois, au lieu d'être badass, tu sais, elle fait apparaître des lits, puis des commodes, puis des roches, tu sais. Puis qu'elle n'est pas une personnage forte, tu sais. Ben, pas... là, voyons, dans Breath of the Wild, c'est le personnage le plus fort du jeu. Ah, c'est pas ça, j'ai pas joué, là. Elle est jouable, c'est quoi? T'as ben joué, non, mais dans Breath of the Wild, avec sa magie, elle retient Ganon pendant 100 ans. Elle se bat avec pendant 100 ans pendant que toi, tu récupères. OK, OK. Bon, ben voilà. Quand tu te réveilles et tu trouves une. T'as pas plus badass que ça. Y a aucun personnage dans l'histoire du jeu vidéo qui est plus badass que Zelda. Ben, dans le nouveau Zelda, en tout cas, de Zelda. Comment il s'appelle le jeu déjà, non? Te rappelles-tu? Echoes. Non, Wisdom. Tu crées des échos. À chaque fois, je. Wisdom je... of Echoes. Bon, quelque chose de genre, là. Ah, quelque chose de même. Quelqu'un peut nous le dire. Dites-nous là dans le chat. Désolé. C'est quoi le nom du nouveau jeu? Ben, mais moi, j'ai aimé ça. Moi, j'aime ça, la mécanique, quand même. J'ai trouvé ça... C'est systémique, c'est le fun. J'ai juste peur, puis on en a jasé beaucoup à la job, puis on a juste peur que ça soit trop facile. Parce que là, on n'a pas vu le système de mana dans la démo qui nous montrait. Il semblait être capable de spawner à l'infini, mais on a sûrement un système de mana qui a des systèmes qui coûtent plus cher. Parce que sinon, tu sais, un coup que t'as les ennemis, pourquoi tu pourrais pas en spawner 10, tu sais? Non, non, c'est ça. Donc ça marcherait pas. On l'a vu empiler des affaires, le lit, c'était pas une joke, là. Comme tu mimiques un lit avec ta baguette, puis après tu peux en fabriquer. C'est comme, bon, ben, mets des lits partout, tu peux atteindre toutes les places que tu veux, là, tu sais. Oui, dans Echoes of Wisdom. Merci, Jus de bras. Jus de bras. Quel nom fantastique. Jus de bras 82. Mais moi, ce que j'aime aussi, c'est comme, ouh, à un moment donné, tu dis, cette affaire-là, tu l'apprends avec ton staff et puis tu sais comme c'est puzzle. J'aime mes Zelda top down vraiment. Ça oui. Breath of the Wild, Twilight, Ocarina, moi j'aime tellement pas ça là. Ben moi j'ai Breath of the Wild puis Tears of the Kingdom, t'as joué à ton. Je les ai vraiment aimés. Alors que les autres, Toilette Princesse, un peu moins. Ouais. Ocarina of Time, c'est-tu comme une... Je comprends pas pourquoi les gens capotent autant sur Ocarina of Time. Ben, il faut, faut être né avec. Il faut avoir joué son premier Zelda avec Ocarina, d'après moi. C'est ça. Moi, mon premier Zelda, c'est Legend of Zelda. Même pas, c'est Link. Mais après, c'est... Non, même pas Adventure of Link, là, Zelda 2. Puis là, j'étais comme, OK, Zelda. Puis là, quand j'ai vu le top-down Zelda, par après, parce qu'un autre ami avait ça, j'ai dit, oh, c'est bizarre, mais c'était intéressant. Puis là, je suis tombé en amour avec ça, tu sais. Fait qu'à Link to the Past, moi aussi, c'est ben genre... oui, c'est un des meilleurs Zelda, jeux. C'est ça, tu sais. Mais Ocarina, puis là, dans le temps, puis j'essayais ça à 64. J'avais Carina, pas de 64. C'est vide. Mais je me suis pris sur 3DS. C'est la map de Link to the Past, fait que c'est moins bon, parce que Link to the Past, c'est le meilleur jeu de tous les temps. Exact. Puis, mais je l'avais pris en 3D sur 3DS, tu sais. Ouais, je dis, il est pas prêt. Là, c'est le temps, là. Là, je vais comprendre le hype. Puis, man, c'est brun. Je suis pas capable. Pas capable. C'est fou, hein, parce qu'un jeu comme Breath of the Wild, c'est vide parce que t'es dans un monde post-apo, puis tu t'ennuies pas pareil. Tandis que dans Ocarina, il y a plein de temps mort. J'étais comme, oui, je marche, puis il y a rien. Puis là, Puis là, il me semble qu'un cheval, je vois pas si vite que ça. Puis... Ouais, Epona! Epona, qui est un cheval québécois, d'ailleurs. Ouais? Oh oui. OK. C'est dit. Epona. As-tu aimé A Link Between Worlds? Mm-hmm. Ouais, on n'en parle pas beaucoup de celui-là. Moi, j'ai capoté là-dessus. Moi, pendant longtemps, quand on me demandait c'était quoi mes Zelda préférés, mes trois, c'était A Link to the Past. Puis je mettais Breath of... avant que Tears of the Kingdom sorte, je mettais Breath of the Wild, puis A Link Between Worlds. Parce que A Link Between Worlds, c'est A Link to the Past moderne. Exact. Qui ont rajouté des mécaniques, qui ont changé un peu le concept du Dark World. Ouais. La mécanique de peinture, je trouvais ça moi, je trouvais ça génial. Là, tu coules les murs, tu passes entre les cracks. J'ai pas aimé la mécanique que tu peux louer les armes. Ouais, ça, c'était nouveau. Hein? Puis assez, ils l'ont juste fait une fois. Je comprends ce qu'ils ont voulu faire. Ils ont voulu faire un open world, un monde ouvert, qu'on pouvait vraiment décider où est-ce qu'on voulait aller. Moi, j'aime ça, avoir un sentiment de progression dans mon Zelda top-down. Ouais. Puis j'aime ça... quand j'ai quelque chose que je l'ai pour toujours parce que j'ai travaillé pour. Oui. Puis là, je dis, ah oui, ça c'est le donjon que j'ai pogné la baguette de feu. Puis là je suis content, tu sais. Ah ouais. Fait que ça, c'est moi. Non, je suis d'accord, c'est vrai. J'avais un peu oublié ça, mais ça m'avait. Pas choqué, mais troublé légèrement à l'époque. Puis les Oracle, t'as-tu essayé? Ben oui, je les ai faites les deux. Ma blonde vient les refaire d'ailleurs. Je l'ai pas aidé. Ben, Chris. J'espère qu'elle regarde pas. On l'attend tellement, cette compile-là. C'est un qui parle de Four Swords aussi, là, qui est un très bon. Là. J'ai jamais joué, moi, ça. Le Four Swords, j'ai joué un peu dans des conventions qui avaient. Des gens. Il y avait des gens, ouais, parce que tu sais, j'ai pas 4 amis chez nous, là. Moi non plus. On avait fait un weekend gaming, on est 4 en ligne. Puis c'était mais je me souviens, dans une convention, il y avait. Hey, ça a dû coûter cher de gear. Il y avait 4 adaptateurs Game Boy avec le CD. Ouais. Pour être sur 4 TV. L'autre fait jouer à 4. Fait que là, c'était comme 4 GameCube avec 4 disques avec 4 fois d'adaptateur. J'étais comme. J'entends 1500$. Ah ouais. Ah, c'était cool ça. Jim qui dit Link's Awakening aussi sur Switch. C'était un très bon remake. Ah oui. Moi, je l'avais beaucoup aimé. Je comprends ce qu'ils ont fait pour le style artistique. C'est cute. Mais j'aurais préféré un style un peu plus. Pixelisé. Non, pas nécessairement pixelisé, un peu moins enfantin. Ok, ouais. Ok. J'ai pas eu le look Tilt Shift un peu qu'ils ont mis par exemple dedans, c'était bien, je trouvais. Là. Mais ouais, je comprends pas qu'est-ce que ça veut dire. Mais le nouveau Zelda, au début, je pensais quasiment que c'était un Link's Awakening 2 là, dans le look. Là, ouais, c'était ben c'est un peu moins childish, mais on dirait qu'on est dans le même monde, là, un peu dans le même look. Ouais, ça va être la même map. C'est ça, le même moteur, comme tu dis peut-être. Mm. Ah, Simone, c'est-tu ta blonde, ça? Non. C'est Mel 4030. Ah non, ok, tu vas dormir? Ça? Ok, il dit ça en prévision de... Corbin Dallas, notre fameux Corbin Dallas, qui dit que son meilleur, au niveau de l'histoire, c'est Skyward Swords. J'ai adoré l'histoire de Skyward Swords. Même chose que pour Link's Awakening, il y avait... T'sais, ils veulent toujours renouveler leur public, c'est bien correct. Il était très enfantin. Ouais. Ah oui? Skywards. OK. Ouais. Puis Skyward Sword, c'est probablement dans le top 3 des trames musicales de Zelda facile. Là. C'est pas dans votre top 3, vous avez des oreilles brisées. C'est vraiment la meilleure musique. Il y a des gens qui ont haï la mécanique de slasher. Ouais. Moi, j'aime ça, les gimmicks. Ouais. Moi, j'ai aimé ça. J'ai pas aimé jouer à StarCraft comme ça avec ma manette de Wii U, mais slasher des ennemis comme ça, ça, j'ai aimé ça. À Star Fox, tu veux dire? Ouais, c'est Star Fox, pardon, j'ai dit okay, StarCraft. Okay. Star Fox, ouais. Ah oh ouais, non, c'est ça, les gimmicks, il y a bien du monde qui n'ont pas aimé ça, en effet. Mais il n'y avait pas le choix d'en faire. Ouais, excuse-moi, Simone, bien sûr que je sais que c'est Simon des éditions de l'homme. Il envoie pas du monde dormir sur le sofa, il envoie des livres. Mais ouais. Bon, hey, assez parlé de Zelda, en fait, ça va nous emmener... On va... Non, mais tu pourras peut-être en parler dans le segment collection qu'on va commencer oui, maintenant. Avec plaisir. Donc là, toi, tu veux compléter ta collection NES. Ouais. Mais en boîte. J'ai un peu... OK. Là, les boîtes sont rendues 5 000$ chaque pour Bubble Bubble 2 puis Panic Restaurant. Fait que là, ça te tombe moins. C'était le fun au début. Exact. Puis dans les 5 dernières années, c'est devenu plate. fait que là, je veux compléter mon full set jusqu'à 7. Puis ouais. On verra après ça. Il t'en manque combien? Une vingtaine. OK, OK. Le plus gros là-dedans? Si on exclut Stadium Events, ouais. Le plus gros qui reste, c'est... J'ai un blanc. Kid Clown? Non, ça je l'ai. Je l'ai acheté à l'aveugle chez vous. Ah! Il y avait une trace de fer à souder dedans. Ah ouais? Ah, un blockbuster, là, genre. Ouais, ouais, le stamp de cochonnerie. De fer à souder, on écrit des lettres. Ouais. Mighty Final Fight? Mighty Final Fight... J'ouvre-tu ma collection? Ah ben, tu peux dans l'ouvrir, tu peux l'ouvrir. Ouais. Sortons nos collections. Non, je vais juste en nommer des... Mais c'est même pas un des plus gros. Power Blade 2. Power Blade 2, je l'ai. Ça coûte cher. Ouais. Je me rappelle, t'avais pogné un beau Color Dinosaur en boîte, hein, ça? Non, Color Dinosaur, je l'ai loose. Loose? OK, ouais. OK. C'est Zombie Nation que Laurent t'a donné. Oui. Ben, ou vendu, mais le vendu, whatever, là. Mais le vendu à l'époque, 100$. Ben, à l'époque, c'est ça qu'il valait, là. Exactement, exactement. Puis il manquait le manuel, puis j'ai acheté le manuel 100$. Et tout ça, maintenant, vaut 2000, 3000. Ah, c'est triste. Mais... Jim, dans le chat, il dit « Dom pourrait t'aider ». Ben, en fait, Giz, il en pogne, là, des jeux ici, quand il voit quelque chose qu'il y a quand pas, j'y vois, je les pogne. Exact. Dom, c'est mon premier stop, là. Ben, ouais, mais ces temps-ci, ouais, on a pogné un Zombie Nation, mais moins de NES, là, présentement, en effet. La minute... Quelle application utilises-tu? Excel. Ah! T'es pas sur une app gaming, là, toi, là. Non, mais j'ai une app de collection. J'ai une app de collection, sauf que dans mon app de collection, il y a tellement de stocks... Les jeux australiens, les jeux PAL. Fait que je trouve ça difficile de me retrouver pour mon full set. Mais c'est laquelle? C'est CLZ, Game Eye. Collector de Retro Collector. De Pure Gaming. Là. Ouais, c'est ça. C'est ça que j'utilise aussi. Hein. Fait que je l'aime beaucoup. Je prends des photos de ouais. tous mes jeux, sauf que pour qu'est-ce qui me manque, c'est GunMac le plus gros qui me manque. Ah, ok, ok. Ouais. Je l'ai complet, celui-là. Ouais, très bon jeu. C'est toute ton attitude. Payé cher, ce ouais, carton-là, j'allais. Pendant la COVID, quand on se pensait riche, là, ouais. J'ai acheté du carton. Hey, dans les tristes, il manque Swordmaster, mais j'ai la boîte puis le manuel. Ah ouais, hein? Ça, c'est beau. Moi aussi, je l'ai complet, puis je l'ai acheté. Voyons, tu gosses. Non, mais je veux pas te gosser. Mais c'est dans une wave de quelques boîtes et livrets que j'avais acheté à quelqu'un là, qui vendait. Je me dis, ça, c'est... Puis c'est bon, hein. Je sais pas, tu as déjà joué à Swordmaster? Pas longtemps. Ben, c'est ça. Pas longtemps, ça doute. Tu es comme... Ouais, mais... c'est bien lui que ton sprite est vraiment gros, puis t'as une grosse épée. Exact. Ouais, puis tu peux frapper un peu sur le dessus ou te pencher, puis c'est très... un peu raide, là. Mais man, ce jeu-là, quand tu catches la mécanique, là, puis là, tu dis, Chris, je meurs. Mais tu tombes game over, puis tu gardes tes... Tu montes de niveau, finalement. C'est un roguelite. Ben, quasiment. Mais tu gardes tes niveaux, en effet. Puis la musique, elle est bonne, là, puis tout. Non, ce jeu-là, c'est gagne à être connu, là. C'est vraiment okay. Très bon. J'aime ça. Fait qu'une vingtaine, donc. Okay. Ouais, une vingtaine. Puis là, c'est sûr, en ce moment, j'ai des Il y a plein de monde qui me demande « Ben là, pourquoi tu t'en achètes pas? » Ben, c'est... Ça coûte cher. J'ai donné un gros coup, pas au dernier CCGVQ, au CCGVQ d'avant. OK. Que j'ai acheté une vingtaine de jeux dans ceux qui me manquaient. Oh. Fait que je me remets encore de ce moment-là. J'ai pas fini de repayer. Ah, ben c'est correct. Hein? Moi, avec, fut une époque où est-ce que j'achetais tout ce que j'avais de besoin quand je le voulais, quand ça se présentait, whatever, au prix, tant que c'était au moins au prix du marché ou genre price charge, je l'achetais. Astor, je roule mes scènes. Ouais. c'est dur là, pour tout le monde là, présentement. Là. Non. C'est plus ce que c'était. Même ici en magasin, les jeux en boîte, là, à l'époque, les jeux en boîte, c'est comme, wow, c'est malade, les jeux en boîte. À chaque fois qu'on en postait en vente, je vends des jeux depuis longtemps, ça partait tout de suite. Là. Mais à cette heure, fuck man, c'est dur de vendre des jeux en boîte là, parce que ça coûte cher. Ben, c'est ça. T'sais, on a vendu un Soul Blazer aujourd'hui à quelqu'un qui voulait. C'est un ami à nous, whatever. Mais ben, il est mint. Là. Il y a même le sachet pour la cassette, toutes les maps, tout. Mais c'est 500$. Fait que faut que tu veuilles. Là. Ouais. Les jeux à 500$. 500$, c'est le prix d'un loyer à Montréal. Ouais. Salut, Lego. un petit loyer. Ouais, Domaine 1, 2, 3, tu utilises CLZ, tu vois. Moi, je me dis, à un moment donné, je vais migrer vers celle-là. Il me semble que CLZ, tu peux prendre juste une photo. C'est ça qui me gossait. Ah, ça, je sais pas. Parce que moi, ce que j'aime là avec Pure Gaming, c'est que je prends une photo de mon manuel, je prends une photo de ma boîte, je prends une photo de ma cassette. Fait que tu sais ce que t'as. J'ajoute des photos s'il y a des inserts, puis j'ajoute des photos si, mettons, derrière, il y a quelque chose de vraiment... OK. Vraiment pas le fun, là. Ah, ben, c'est bon, ça. C'est bon à savoir. Je le fais jamais, moi, prendre des photos. Ben oui, mais après ça, hey, penses-tu, j'ai un dégât d'eau chez nous. Ouais. Penses-tu que j'étais content d'avoir ça? Ah, t'as. Ouais. Hey, le gars, il capotait quand j'ai envoyé la liste, la valeur de mes jeux, c'était au dollar près, là. Aux assurances? Oui, aux assurances, là. OK. Celui-là, c'est 13$. Celui-là, tu sais, lui, il est habitué de se faire eyeballer parce que le monde qui avait leur collection disait, ben ça, je l'ai payé 60$. T'sais, mon jeu de Wii, il a payé 60$. Ouais, c'était surtout du PlayStation 2. Fait que là, je dis, ben lui, c'est 6$. Lui, c'est 11$. Mais lui, c'est 455$, par exemple. Ah ouais, hein? Fait que t'as envoyé tout ton data à la compagnie d'assurance. Puis c'était tellement bien fait, puis t'es tellement débordé parce qu'il y a eu beaucoup de dégâts d'eau dans cette zone-là. Là. C'est en février, pas cette année, mais l'année passée. Il a neigé, il a mouillé, ça a gelé, il a fait chaud. C'est comme tout ça dans une période super courte. Fait que tous les toits plats à Montréal ont fait moins, non? Alors, ça, c'était vraiment un cauchemar de collectionneur, les dégâts d'eau et les incendies. Tu sais, je remercie ma collection de PlayStation 2 d'avoir pris le coup. ben ouais, à part NES, en fait, que collectionnes-tu? Ben, qu'as-tu vendu avec le temps? J'ai ralenti parce que avant, la seule raison, un peu comme toi, que j'achète un jeu, c'est un, je l'ai pas, puis deux, le prix est en bas du marché. Ouais. C'est tout. C'est tout ce que ça prenait pour que j'achète un jeu. Ou des fois, parce que ça ferait un bon show pour collectionner, c'est sérieux. Ouais. C'est comme un moment donné, j'ai acheté la machine à coudre Game Boy. Ouais, Seigneur, ouais, ça c'est hot ça. T'sais, ça fait un bon show. Un coup que je lui ai montré, je la regardais et j'étais comme moi, hein. Je m'en resservirai plus, là. Non, ben, elle peut prendre la valeur. Elle doit en avoir pris, en fait, là. Ça dort chez vous depuis toutes ces années. Ouais, mais c'est des publics très spécifiques, puis des items comme ça, ça s'envoie pas par la poste. Fait que, tu sais, je suis sûr que je la montrais dans un... C'est compliqué. Toi, tu connais ça plus que moi. Là, moi, ça me fait peur. Là. Ouais. Voir une machine à coudre, c'est pesant. Là. Ouais, en ouais. plus, il faudrait la rembourrer parce que dans la boîte, elle brasse. Là, dans ouais. Mais non, j'ai décidé de ralentir. Fait que là, c'est sûr que j'ai un amour du 8-bit vu que c'était mes premières consoles. Oui. Puis j'ai jamais pu avoir de Master System parce que c'était pas très populaire au Québec. Puis je trouve les jeux beaux, je trouve les couleurs sont le fun. Puis c'est tellement comme punché puis vibrant, ouais, ces couleurs-là. C'est là, quand c'est bleu, c'est bleu. C'est rouge, puis quand c'est bleu, rouge, puis vert en même temps, c'est clac, clac, clac. Il n'y a pas de, nuance, tu sais, c'est paf dans ta face. Puis je trouve ça beau, les boîtes blanches. Là, pis, moi aussi. Hey, Rampage, je t'haïs. Ah ouais. Tu scrapes le look. Et le jeu d'Activision aussi. Ouais. Raid. L'avion là, noir, là, Bomber Raid. Ouais, et, c'est ça. Toi aussi, je t'haïs. Mais je vais essayer de faire le full set nord-américain, puis c'est plus difficile que je croyais, parce qu'en Amérique du Nord, on a eu vraiment beaucoup de jeux PAL. Oui. Qui fonctionnaient sur la console. Pour savoir, c'est facile. En arrière, s'il y a plus que. Ici, c'est pas juste en anglais. parce que c'est un jeu PAL. Exact. Puis le manuel, c'est facile. Si quand tu le regardes comme en mode portrait, puis c'est dans c'est correct, ça veut dire que c'est NTSC. Puis s'il est comme ça, puis quand tu tournes les pages, c'est toutes les langues, mais c'est PAL. Exact. Fait que c'est pas facile. Fait que j'avance, je suis rendu à une cinquantaine, je dirais. Puis il y en a juste 120. Il y en a 120. À peu près. Je me souviens plus du chiffre exact. Ah, ben c'est intéressant. C'est pas tant que ça. Notre ami Kevin Boily, qui est parti, il était là tantôt, mais il fait ça lui aussi, puis il est pas mal sa fin. Là. Ouais, il me semble que lui, mais lui, il faisait tout. Là. Il faisait. Ben, je pense qu'il doit vouloir certainement faire tout US. Cependant, il y a des choses comme pour Sonic, je crois, que la seule différence est un petit sticker sur le code barre. Puis là, ce petit sticker-là vaut des milliers de dollars. Ouais, puis aujourd'hui, on ne sait plus, vu qu'on ne l'a jamais vraiment vu, on ne sait pas si c'est un vrai sticker. Là, ça... Exactement. Les gens étaient pas malhonnêtes. Non, c'est ça. Puis sinon, c'est ma collection de Zelda. J'ai toutes les jeux de Zelda sous au moins une forme. Okay. J'ai plusieurs jeux gradés. Jugez-moi. Moi, je juge personne. J'ai une quinzaine de jeux gradés, dont un que j'ai fait grader moi-même, que c'est Link to the Past au Game Boy Advance, que c'est moi qui ai la plus belle copie au monde. Ah oui? 9.8 A+, pour un jeu Game Boy Advance de Zelda. Est-ce une version canadienne? C'est une version américaine. Et il y a une seule qui a un 9.8 aussi, puis c'est une version Player's Choice. Ah, ben ça, c'est de la marde, ça! On n'aime pas ça, les versions Player's Choice! Ah, mais là, dans ta collection Zelda, fais-tu aussi les Zelda Player's Choice, tu sais? Ah, ben oui, ça, oui. Ah ouais, hein? Fait que tu prends toutes les Player's Choice quand même. Ouais. OK. Puis j'essaie d'avoir Zelda, toutes les variantes, surtout des boîtes. Surtout des cassettes, je veux dire. Les disques... Je me suis un peu tanné, là, parce qu'à un moment donné, ils font tellement de reprints, puis qu'ils rajoutent une virgule, puis là... Ah ouais, parce que c'est ça. Là, c'est pas juste Zelda, puis Zelda Player's Choice. Toi, tu y vas all-in, genre... Il y a une virgule dans le livret qui est pas pareil, fait que c'est un nouveau variant, ça me le prend. On parlait d'Ocarina of Time tantôt, là. J'en ai un qu'à l'intérieur de la boîte, il y a quelque chose qui est écrit. Mm-hmm. Tout le reste est pareil. Ah ouais. J'ai comme, une variante. J'ai jamais vu ça, une boîte de 64 qui a de quoi d'écrit dedans. Ouais, ben juste une ligne, je me souviens même pas c'est quoi qui est écrit. Dans le brun, là, du carton, dans à l'intérieur. Écrit dans le brun. C'est écrit dans le brun. Incroyable. Puis mon plus gros défi, c'est de faire, de répertorier toutes les variantes de Zelda 1 sur NES. Nord-américain. OK. Fait que, il existe 11 variantes de la cassette. OK. Ah ouais. 12 si on compte la jaune moutarde que j'ai. La jaune moutarde qui était une cassette de test, pour Nintendo Repair of America. Ça, c'est vraiment une belle pièce. Oui. Puis en plus, c'est répertorié. Elle fonctionne pas. Fait que je trouve ça encore plus cool parce qu'elle est morte dans sa fonction. Elle a brûlé dans une console qui a trop chauffé. Fait qu'elle a fondu un peu. OK. Puis sur plein de forums, cette cassette-là était répertoriée comme « Ah oui, celle-là, on la connaît, c'est la brûlée. » Et passée des mains de tel collectionneur à tel collectionneur à moi. OK, fait, OK. C'est, elle a une histoire. Le monde dit « Mais pourquoi tu ne répares pas? » C'est comme ça. C'est ça. À l'époque, je ne l'ai pas payé tant que ça. Genre 300 biens, 500 000? Non, c'était à l'époque des Dogecoin. Là, je te parle. J'avais acheté 100 Dogecoin pour rire avant que ça devienne populaire, puis c'était monté à genre 4 000$. Fait que moi, je l'avais sorti. Puis là, j'avais acheté, entre autres, ce jeu-là à. J'avais payé 1 200, je pense. OK, OK. Puis aujourd'hui, je pense qu'il est à 16 000. 16 000 dollars canadiens. Très intéressant. Mais pour revenir à Zelda, donc, il existe 11 cassettes différentes. Il existe 10 manuels différents. Il existe 10 boîtes différentes, puis il existe 16 mix de toutes ces affaires-là. Wow. OK. Fait que moi, je vais avoir les 16 mix pour pouvoir montrer chacune des boîtes, chacun des manuels, chacune des cassettes, c'est quoi les différences. Mm-hmm. Puis c'est ça. Des fois, c'est compliqué. Là, mettons un manuel first print. Oui. Il faut que tu ailles à la page 11. Puis si tu vas à la page 11, justement, on a un... Ouais, c'est ça, t'en as pogné un dans nos affaires. Là. À la page 11, c'est écrit When you load the game pack in the unit. Puis si c'est un first print, ça va être écrit When you load the cassette. Ah ouais. Puis tu vois que le mot, hein, je vais te le montrer, désolé, à la maison, mais tu vois que le mot, il est comme... tu vois qu'il a été changé, parce qu'avant, c'était cassette. Oui, tu vois, il a été changé pour Game Pack. Mais c'est pas la même police. C'est pas la même police ou c'est... Deuxième paragraphe, première ligne, Game Pack. On voit que c'est pas vraiment la même police. C'est comme une fonte de moi. Ouais. Non, Jim, dans le chat, Giz, on parlait des versions nord-américaines seulement. Donc, c'est Canada, Je vais faire les versions aussi Mattel, parce que ça, c'est d'autres variantes. Ça compte même pas dans celle que je parlais. Mattel, c'est plus compliqué parce qu'il y a eu moins de recherches. Fait que j'ai moins de collectionneurs qui ont répertorié ce qu'ils ont. Fait que c'est plus difficile. Ah, ça doit être difficile, là, à un moment donné. C'est parce qu'il y en existe beaucoup, là. Ben oui. Même Mattel, là, j'ai déjà 5 boîtes différentes de Mattel, là. Non, exact. Fait que là, dans le fond, toi, t'accumules des fois d'autres des livrets parce que tu te dis, quand je vais avoir la boîte, je vais fabriquer ce kit-là qui va être le 3. Puis, tu sais, ben oui, puis il y a aussi du monde qui ne veut pas me vendre le manuel, puis c'est normal. Ouais. Moi, je dis, ben ton manuel, il est même pas bon dans ta boîte anyway. Oui, hein. Ça, c'est une affaire que je checkais pas à l'époque. Puis maintenant, c'est quand. Tu peux pas avoir une boîte de NES avec un seal rond puis un manuel ovale. Sauf quand c'est fait de même. Des fois, oui. Non, mais tu comprends, tu sais. Oui, mais je comprends. Faut checker tes affaires, là. Ouais. Manuel US dans une boîte canadienne, tu sais. Ça, c'est ça. C'est quelque chose que je faisais pas à l'époque. Puis je faisais juste boxer des affaires. Moi aussi, mes black box, ça m'a fait de la peine parce que pendant très longtemps, j'ai gardé le plus beau. Puis j'ai des black box dépareillés. T'sais, un manuel canadien, une boîte US. C'est ça. Puis j'échangeais ou je vendais le reste. T'sais. Exact. Parce qu'à un moment donné. Faut que ça tourne. Faut que ça tourne, sinon on peut plus acheter des jeux. Exact. Puis même ici chez Retro MTL, à un moment donné, ça fonctionne pas ici, là, tu sais. Comme on rachète des affaires aux gens, mais ils matchent pas, là, tu sais. Fait que là, sur le site web, OK, guys, à cette heure, il va y avoir des versions canadiennes, tu sais. On le fait pour NES, parce qu'il y a des versions. Ouais, à un moment donné, parce que là, ça finit plus. Puis de toute façon, maintenant, les jeux qui sortent, le prochain Zelda qui va sortir, il est canadien, t'sais, c'est bilingue dessus, that's it. Wow. Là, t'sais. Fait que on n'a pas accès aux versions US. Fait que là, on peut plus rien faire pour ça, mais dans le temps, c'est un mix là, t'sais, qu'on a. Fait que non, faut que ça fit, là, sinon ça me dérange. Ben là, tu peux aller plus loin. Y a du monde qui regarde les chiffres à l'arrière de la cassette qui sont comme punchés. Je le fais pour le Super NES, en fait. Parce que des fois, moi, je swappais des bacs de jeux de Super NES, des fois, tu sais, le devant, il est beau, puis le derrière, il est jaune. Fait que là, je pogne un whatever, NHL, puis là, je change, puis je mets un beau bac. Mais là, des fois, c'était faut que tu fasses attention, parce qu'il y a des Made in Japan, des Made in Mexico. Mais c'est pas juste ça. Il y a les chiffres qui sont punchés. Oui, puis il y a un petit punch dedans, tu sais. Fait que là, j'achète un Hagane, ici, en magasin, je regarde en arrière, c'est supposé être punché 11, mettons, puis là, c'est punché 9, tu sais, c'est comme, non, là, c'est pas ça qui est supposé être. Il part plusieurs prints, là, mais c'est difficile. Ben là, je sais pas, les punchs, c'est-tu tout le temps le même punch? Non, c'est des dates. Ouais. Fait que des fois, selon la date avec ta boîte, ça peut fitter, parce que c'est la bonne variante, mais des fois, ça peut ne pas fitter, parce qu'ils ont changé la version de la boîte entre-temps. Ouais. Fait que ça veut pas dire que c'est pas un Ragan, c'est juste... Non, ben en même temps, c'est ça. C'est un Mexico, c'est blurry un peu, tu sais, là. Quand c'est Japan, en tout cas, il y en a plusieurs. Oh, il y en a plein. Des fois, ça saute aux yeux. Ça, c'est pas ça, tu sais, pour un œil habitué, là. Mais c'est tout un univers, ça. Puis t'as-tu Game Boy Advance? Je pense que non. Tu nous les as toutes vendus ici, ce que t'avais. Ben, j'ai gardé mes préférés. Ouais. Ma collection de Pokémon, entre autres. Mes Zelda. Donc, ouais, Pokémon, tu collectionnes ça sur un peu toutes les plateformes aussi. Ça aussi, je les ai toutes, même les japonais. OK. J'ai vu ton Pokémon Stadium en boîte, là. Stadium. Moi, j'ai la boîte, j'ai Pokémon Stadium, mais j'ai pas le carton à l'intérieur de la boîte. J'étais comme... En bas, il l'a pas non plus. Oh, il y a pas le carton dedans? Ici, en bas, ce que tu as vu dans le magasin, c'est juste une boîte vide, je pense. Ah, OK, bon. Mais là, on a un autre ici en haut, mais il n'y a pas le carton dedans non plus. Ces maudits cartons-là, man. Je le sais. Puis moi, là, on va dire quelque pour chose. Des cartons. Là, le monde, on achète beaucoup de jeux ici. Hein. Genre, beaucoup là, de jeux qu'on achète aux gens. Puis là-dedans, il y a des collectionneurs. Et puis les collectionneurs disent, voici mes choses à vendre. Et puis, c'est complet. Voici ma NES Action Set complète. Là, ils arrivent en magasin avec ça. Là, la boîte est toute maganée. Il n'y a pas de foam là-dedans. Il manque un livret. Il y a juste un zapper crissé avec une NES, crissé avec une cassette. D'autre, c'est pas complet. C'est du mensonge. Le styromousse vaut plus cher que tes accessoires. Des boîtes, pas de styromousse. Là, j'en ai des tonnes. De toute façon, ça se recycle pas du styromousse. Gardez-le. Exact. On les met en vente, 20$, là, 30$, whatever. Le monde les achète des fois. C'est pas ça complet. Puis un Star Fox au 64 dans Big Box ou Pokémon Stadium, ça prend le holder dedans, tu sais. À la limite, tu sais, des boîtes de Super NES ou de Game Boy, tu sais, il y a des third-party holders de carton que je suis prêt à tolérer en cas de besoin. Je comprends. Mais pas de n'avoir, ça me dérange. Hey, le holder le plus tough que j'ai eu, moi, c'est Stack Up. Ah, ça doit, man. Stack Up est un jeu, le deuxième et seul jeu NES que Rob, le robot, peut jouer au NES. Lui-même. Stack Up, il est dessus. Ah, il est en haut, à côté de Gyromite. On connaît tous Gyromite, peu de gens connaissent Stack Up. Avec les morceaux de bois, là. Il y a des morceaux de bois comme holder dans boîte? Non, mais c'est les morceaux de bois. Ok, les pastilles, là, qui. Ouais. Mais il y a un holder. Un holder en plastique pour mettre toutes les pièces. Puis les mains de Rob, parce que c'est pas les mêmes mains. C'est d'autres mains, oui. Ouais, il faut changer ses mains. Mmh. Ah, ça, c'est... Quand on rentre là-dedans... Les morceaux qu'on va chercher loin, là... Tu sais, au début, tu sais, on pensait qu'on était deep quand on se disait « Oh, j'ai la carte de Sasrala dans Link to the Past. » Là, on est rendu un peu plus loin. Ah, vraiment. Ça, c'est la carte des conseils parce que dans le temps, là, t'avais pas Internet. Puis là, le monde était mêlé dans Link to the Past. Fait qu'ils ont donné des conseils. Oui. Puis c'est la petite affaire qui avait un petit collant. Hein? Ouais. Puis on en a ici des fois qui pop de même à travers des lots comme ça. Puis ça se vend. Très bien. Juste ce petit... T'en as-tu? Ben oui, je pense que j'en ai. On ira voir après le spectacle. Il t'en manque-tu? Toujours. Toujours. Oh boy. Ah non. Puis, moi j'ai slacké bien des choses dans mes collections. Puis, tu sais, j'en ai du PS2 aussi, mais un petit peu. Puis là, j'ai tellement slim down, mettons, mon PS1, mon PS2, mon Genesis. À une dizaine de jeux à peu près chaque que j'aime. Là, oui, j'en ai plus. Je me dis, mais je vais les essayer. Tu sais, peut-être c'est bon. Je le garde parce que je veux l'essayer puis avoir du plaisir. Tu joues pas au PS2. Non, mais puis je joue pas. Je joue jamais au PS2. Je joue jamais. Pourquoi est-ce que je descendrais au sol jouer à la Wii quand dans mon sofa en haut, je peux jouer à mes comme 100 jeux Switch que j'ai même pas déballé encore, tu sais. C'est un peu ça. Mais là, l'autre fois, j'ai dit « Non, ça suffit. Papa cassette, va au sous-sol et essaye un jeu. » Oui. Fait que là, j'ai pogné Alien Syndrome. Tu connais-tu la franchise Alien Syndrome? Ben, je connais le jeu Tengen sur NES. Sur NES, en effet, qui était à base un jeu d'arcade. Et puis là, ils en ont fait un sur Wii, ça. Et puis là, c'est devenu un genre de shooter top-down-ish 3D. Okay. Avec beaucoup trop de menus, puis de patentes, puis c'est laid, puis du voice-over. Mais le cover est badass en esti, puis c'est un jeu développé par Sega. Fait que tout disait... Tout s'enlignait correct. Pas hidden gem, là, mais possibilité de plaisir, tu sais. Puis j'ai comme... Non, j'y arrive pas. Fait que c'est ça, je sais plus quoi faire. Est-ce que je garde juste mon full set NES, Super NES et Game Boy, puis je garde le Switch le parce que j'y joue le Griforce, puis je me dis, fuck absolument, tout le reste sort d'ici pour toujours, je m'en sac. Ouais. Ou je sais pas. Ben moi je considère fortement de me départir de tout ce qui est pas une cassette. Ouais. Donc en ce moment tous mes disques, puis j'en ai des beaux là, du GameCube, du Wii, du Wii U, du PlayStation 2, 3, Xbox original, j'en ai vraiment beaucoup. Ah ouais, t'as beaucoup de Xbox original. Ouais. Colin, ouais, parce que ben, personne ne voulait. Ça te fait des games de Halo et puis de Mech Assault. Hey, il était tout le temps. De Frenzy Fusion. D'un friperie, il était tout le temps 3 pour une pièce. Je prenais, moi. Ouais, c'est correct. je les ai jamais joués, là. Ouais. Ça, j'avoue qu'à ta place, écoute, je suis pas dans tes souliers, mais il me semble que c'est une affaire que je sortirais de la maison qui ne fit pas avec le reste de ta vie. Nope. Non. Ah non, c'est ça. Ah non, je pense à mes affaires, là, je me retiens des fois. Là. J'ai. Même des fois le DS. As-tu beaucoup de DS puis de 3DS? Tu veux en avoir pas pire, je t'en ai donné pas mal du DS. OK. J'avais surtout, étrangement, des boîtes vides. Puis là, tu me dis, ouais, mais ils sont vides tes boîtes. Je dis, ouais, mais t'es rempliras, là. T'es un magasin d'hommes. Ouais, je sais. Ben, s'il y a quelqu'un à qui ça peut servir, c'est toi. On en a plein, on en a plein. Je veux dire, à un moment donné, tu vas avoir des cassettes, tu vas les mettre dans des boîtes, tu vas pouvoir les vendre. Si tu savais combien de boîtes vides qu'on a ici, là, c'est malade. Puis à un moment donné, on a acheté le Game Access, qui était une compagnie de location de jeux par la poste. Eux achetaient les jeux neufs. Et puis ils mettaient les boîtes de côté, puis après ça, ben ils chipaient les jeux quand tu voulais le louer. Toi, ils te le chipaient, puis tu leur chipais. Puis bref, on a acheté des milliers, des milliers, des milliers de jeux d'un coup à ces gens-là. Puis ça venait aussi avec un paquet de boîtiers vides. Puis, man, on les garde d'un coup. On a des loose. Le monde vend des discs only ou des cartouches only. Ben on a des boîtes de jeux DS vides. On a tout, sauf les jeux dedans. Mais tout est mint, parce que... Tu comprends que ça n'a jamais servi. Eux ben autres, non, ils chipaient les œufs. À toutes les week qu'il y a là, devant toi, là-bas, là, ça a l'air impressionnant, mais c'est toutes des boîtes vides. Ah, fait que, toutes des jeux, tu sais, des Dokapon Kingdom, là, ça vaut cher, ça, là, là, des boîtiers vides. On essaye des ventes sur eBay vides avec le livret Mint, mais ça part pas. Fait que, on est enterré de boîtiers vides. Quand on réussit à en boxer, ça, c'est un des plaisirs qu'on a à travailler pas ici. Pas si des boîtes vides. Des fois, on reçoit des affaires loose, puis t'es comme. On le boxe. Et de un! On fait de l'argent! Hey, je me souviens que dans ceux que je t'avais donné, il y avait un Princess sur DS, là, Princess Peach. Je me souviens plus quoi. Super Princess Peach, ouais. Ça, là. Oui, puis on l'a sûrement boxé depuis parce que je pense pas qu'il nous en reste. Mais ça, c'est bon, là. Les Pokémon bons. Sont tous boxés depuis très longtemps. T'sais, parce que tous les communs comme ça, là, ça roule au bout. Fait que, ouais, non, c'est très plaisant. Aussi, dans les choses que je me pose des questions, c'est j'ai une collection. De Game Boy en boîte. Les consoles. Lesquelles, donc? Les Play It Loud? Ou... J'en ai vraiment beaucoup. Lesquelles? Ah ben, je sais pas. Game Boy, là. Game Boy Pocket. Le premier, j'ai trois versions. Le premier gris. Ouais. Ah ben oui, parce qu'il y a la version de base. Après, ils ont fait un reprint dans une plus petite boîte. Puis là, tu dois parler aussi des versions canadiennes et américaines. Ouais. J'ai aussi, moi, j'ai une canadienne. J'ai aussi les Game Boy qui étaient un peu plus petits. Les Game Boy Pocket. Ouais, pas les Game Boy Color, les Game Boy Pocket. Donc, j'ai Game Boy Color aussi. Oui. Les Game Boy Pocket, c'est hot. Là. Exclusive ouais. Toys R Us. Ouais. Ah oui, puis il y a des Game Boy Advance exclusive Target aussi, exclusive Toys R Us. J'ai pas de Target. On l'a eu une fois ici, puis il s'est vendu tout de suite. Ah, d'ailleurs, il y a un item qui m'appartient. Si vous l'avez, c'est à moi. C'est un coin de Zelda Zellers. Quand tu précommandais, il en existe 5000. Okay. Elles sont à moi. Fait que si jamais t'es pauvre, tu me le ramèneras, c'est à moi. Zelda. Attends, dans le temps du Zellers, c'est quel Zelda qui était précommandable? C'est Toilette Princesse? Hein? Ah ouais? Il y avait... La Wii était vendue chez Zellers. Ouais. Ah non, GameCube. Il l'a sur GameCube aussi. Ouais, c'est Toilette Princesse sur GameCube, si je me rappelle bien. Fait qu'il y a un coin Zellers de Toilette ouais. Princess. Moi, j'en ai un. Il y a une de mes viewers qui en a un. Okay. J'essaie de dire que c'est à moi. Là. Ah, c'est ça. Ça vaut pas cher, ça. Ah non, ça vaut rien. Ça vaut rien. Je suis payé ici chez RetroMTL, m'a donné à Guise. Ouais, c'est ça. S'il vous plaît. Non, mais je les ai perdus à un moment donné. Là, puis... Ouais, c'est ça, les 5000 ça, c'est, pendant c'est... que tu dormais. C'est la joke à Tommy, un de nos collaborateurs, un ami de longue date que j'ai rencontré en même temps que Laurent. Lui, il fait une collection, il fait deux collections. Il fait une collection de pruneaux. T'sais, la marionnette ou le fruit? Tu sais, les pruneaux de Passepartout, ouais. Que c'est des petites figurines, là, qui ça se vendait okay, dans un la épicerie. Marionnette, pour vrai. Il est rendu, je pense, à 350. Sauf que le monde essaie de faire le 7, mais lui, il a tous les pruneaux. Des fois, à chaque fois que je me promène dans les marchés aux puces, je vois tous les personnages, mais il n'y a plus de pruneaux. OK, attends. Parce que tout le monde les achète pour faire un meme, pour lui donner. Fait que lui, il y a des chaudières pleines de pruneaux. Mais c'est le même, là. C'est le même. OK, c'est un set passe-partout, puis lui, il ramasse tous les pruneaux. Ouais. Pour wow. Faire chier le monde. Non, mais il dit, parce que c'est ça sa joke, il dit c'était à moi, puis ils ont été envoyés. Puis son autre collection, il collectionne des Wall of Wood à Magic. Oh! Hey, quelle édition que c'est, ça, donc? Ah, il est revenu souvent. Ouais, c'est vrai. C'est une 0-3 qui coûte une verte. Ben, c'est, un, aujourd'hui, c'est bon, ça. Aujourd'hui, ben non, aujourd'hui, il y a des 0-3 qui coûtent une mana qui ont des pouvoirs. Là, c'est un 0-3 qui fait rien. OK. Ah ben, ça sert à rien. Là. Je pense qu'il est rendu à 2000. Mon nez, ils ont compté. Ils ont compté. Un là. Stack de roucoules. C'est les roucoules de Magic. Des Wall of Wood. C'est... Le Wall of Roucoules. Puis dans le même ordre, j'ai fait une blague dans une vidéo parce que j'ai 100 fois Majora's Mask Not for Resale sur mais la 3DS. C'est-tu nous qui te les a vendus? Non. Parce qu'ici, on en a eu aussi des sacs de ça. Ben, c'était pas Majora, c'était un autre. Et puis, moi, j'ai 100 aussi... fois Link Between Worlds, puis j'ai 100 fois Majora's Mask. On a eu aussi Metroid Prime Hunters, celui sur DS. Là. T'es vendu? On en avait, man. Oui, on a vendu ça sur eBay. Là. Le sac, là, je pense. Ça fait longtemps. Un là. Sac de Metroid. Ouais, on t'en a ramassé ça au Game Zone. Hein? T'en avais-tu 100? Probablement. C'était important. Sac. J'avais acheté ça en joke, mais je m'étais dit je vais faire un cadre. T'as acheté sur eBay? 10 par 10, ouais. OK. Non, c'est pas à toi. OK. Ben, OK. Mais je sais que des affaires de même, on en a eu. Là. Tu vendrais ça combien? Un sac de 100 fois Majora's Mask? J'en ai aucune idée. Pour vrai, je sais pas. Il faudrait que je me renseigne. Comment ça vaut un Majora's Mask? En fait, la chose que je ferais, c'est que je m'essayerais à faire un listing eBay avec un seul. Ça se vend 100$ en moyenne. Chaque? Ouais. Ah, ouais. OK. Bon, ben voilà. Fait que je ferais. 100 000 facile. Je ferais. Directement. Ça en prend des petits 100 000 dans la vie, des fois, si tu veux réussir à payer ton carton et tes cassettes qui te manquent. Pour payer du carton. Ah, wow. OK. Fait que ça fait. Fait que t'as payé, combien t'as payé ça? Pas cher. Pas 100 000 piastres. Exactement. Non, c'est malade. Fait que là, maintenant que t'as fait ton fabuleux vidéo, tu vas pouvoir les revendre? Ouais, ben c'est ça. Mais c'est parce que la seule affaire qui me fait mal, c'est que je pourrais plus dire j'ai 100 fois Majora's Mask. Mm-hmm. Not for resale. Ben, comme tu dis, tu peux les... Si t'es payé pas cher, encore de lait pour le LOL... Puis ton corps va juste prendre la valeur avec le temps. Au pire, à un moment donné, tu vas peut-être vendre le corps directement. Ouais. Ouais, un corps, il va valoir 150 000. Mais en plus, j'ai la pochette de magasin Sealed. Celui qui était juste pour le décor. Fait qu'il n'y a rien dedans. Mais c'est une pochette c'est format CD, genre? Non, ben de 3DS. Fait que j'ai le case de 3DS. OK. Que c'est le logo de Majora's Mask, c'est deux barres. Okay. Parce que c'était pour dans les magasins, dans les EB Games. Ouais. Puis il n'y a rien dedans. Il n'y a pas de jeu dedans. Okay, c'était juste. Okay. Ils mettaient ça, tu sais, genre ce jeu-là. Des fake boîtes de console partout. Là. C'est ça. Okay. Mais pas le jeu, la console. Puis il est scellé. Non, le jeu. Ah, le jeu. Ok. Fait qu'il est scellé, mais il n'y a rien dedans. C'est vraiment niaiseux. J'ai le goût de l'envoyer chez Wata. Ben, scellé vide. Hein, ouais, c'est un scellé vide. Pourquoi tu scelles ça? Not for resale. Mais au lieu de l'envoyer chez Wata, tu pourrais envoyer à l'autre. Là, je suis un petit peu réchauffé et fatigué. Comment s'appelle l'autre grader? VGA. VGA, exact. Eux autres, ils gradent tout parce que Wata, ils font les jeux et certaines choses, mais mettons des consoles ou des affaires compliquées, ils les font pas. Ouais. Mais VGA, ils les font. Je fais des jokes, mais j'ai envoyé une fois des jeux, puis ça m'a tellement stressé, j'ai fait de l'anxiété. Parce que je voyais des histoires d'horreur de monde qui se faisaient ouvrir leur jeu aux douanes. Puis je veux plus jamais envoyer de jeu. Ouais, c'est ça. Là, j'étais comme, hey, j'aimerais ça, mon Zelda. Ça serait beau là, de l'encadrer dans un acrylique, tu sais. Exact. De le faire authentifier avec l'histoire puis tout. Mm-hmm. Alors, je ship pas des jeux par la poste qui valent cher. Ça me fait ben trop peur. Moi, j'ai envie d'envoyer mon Stadium Evans pour vrai, mais. J'aimerais ça qu'il soit. Ça soit fait. Mais man, je suis stressé, là, moi, avec. Là, ça m'angoisse. Mais j'aimerais vraiment l'authentifier. Comme je dis qu'il est authentique, là, mais je sais pas. Ça serait un petit step de plus. Mais ces gens-là se déplacent dans les conventions aussi. Fait que ça serait peut-être moins stressant de prendre l'avion, aller assister à la convention, puis hey, by the way, grade-moi ça. Tu sais, quelque chose de même. Ça serait à voir. Ouais. Je sais pas comment ça marche en convention. Je le vois souvent là qu'ils le font, mais c'est pas donné en convention. Hein. Ça doit pas non plus, là, en effet. C'est plus que 100$. Là. Ils ça va sont, prendre, sont là avec tout le plastique. Plus que 100$, ça marche. Ça va y prendre probablement pas plus que 3 minutes. Ouais, c'est... Clip. Ah, je sais pas. Ah. Hey, Stadium Events, mon pire cauchemar. Parce que tu l'as pas? Ben, je l'ai pas, puis je l'aurai pas, là. Ben, je peux te vendre le mien, si tu veux. Je peux te le vendre le prix, je l'ai payé. En fait, je peux te le vendre, je peux te le trader quand ton Zelda jaune, là, il est rendu au même prix que j'ai payé le mien. Mais je sais pas. T'as-tu un deuxième choix? Moi, je l'ai payé 16 000 Stadium Events, mais je sais pas. Je pense pas que je serais capable de le revendre maintenant, tu sais. Le parce marché. Ben, le monde n'a pas de crise d'argent là, présentement, là, c'est ça le problème. Tu peux recevoir des sacs de Metroid, par exemple. Compte. Ben, 16 sacs de Metroid. 16 sacs de Metroid. Je te donne 99 Majora's Mask Not For Resale. Ça serait hot. Mais j'en ai vu un popper un Stadium Events sur Facebook dernièrement, mais le coin gauche en avant, il était comme fondu. Là. Il était vraiment fondu par le feu. Il était endommagé. Puis, c'est quasiment mieux ça qu'un mint, par exemple, parce que les mints maintenant sont rendus presque parfaits. Les fakes, je veux dire, là. Les fakes, ouais, ça doit être dur des fois à checker, là. Mais moi, t'as entendu parler de mon feud avec Pat de NES Punk? Tu m'en avais parlé, mais raconte-le pour les gens. Parce que j'ai une Nintendo World Championship. Oui. Qui est faite à partir de pièces des années 90. Oui. Impossible, je dis bien impossible, de savoir que c'est une fausse, à part une marque sous une chip que si tu sais où, l'artiste qui l'a créé, qui me l'a offerte, a mis ça pour que si tu veux savoir, faut que tu l'ouvres puis tu regardes avec une loupe en dessous d'une chip puis tu vois qu'il y a une petite marque. Ouais. C'est vrai, puis ton feud avec Pat de NES Punk, c'est qu'il est contre la contrefaçon. Oui, ben moi, j'étais mais comme toi, moi. Mais toi, c'est un cadeau que tu as eu d'un auditeur. Et en plus, pour moi, c'est de l'art parce que, tu sais, bon, reproduire quelque chose comme ça, d'avoir trouvé les pièces, d'avoir trouvé les dip switch dans un magasin, dans du stock des années 90, moi, je trouve ça merveilleux. Ouais. Tu sais, c'est la partie électronique de la chose me fascinait. Fait que je trouve ça très cool. Puis là, j'étais comme, j'en vendrai jamais, là. Puis c'est, oui, mais si tu te fais voler. Ouais, Pat, excuse. Mais lui, il voudrait que t'as crise dans le feu, en fait, là. Ben oui. Ouais. Ben, je vais pas la mettre dans le feu. Non, OK. Ben, moi, j'ai tout le temps un feu de poubelle ici en arrière qui roule. Ah ouais, j'ai jamais un feu de poubelle. Ben, je lag. J'ai des problèmes de... quand il faut que je brûle des hosties d'affaires que le monde nous apporte. Non, mais c'est vrai, cet après-midi, on a reçu probablement le Final Fantasy IX le plus jaune de l'histoire, là. La cigarette fait des dommages. Oui, cigarette. Oui. Donc, sur le corps et sur les cassettes. Et là, sur les cassettes. Fumez pas sur vos collections, s'il vous plaît. C'est pas une bonne chose. Et puis, on en voit tellement des affaires ici. Là, c'est incroyable. Mais on remplace tout ça, ces beaux cases-là, puis ça fait partie du plaisir. Des ben fois, oui. Là, quand je suis tanné de faire de l'ordinateur, je viens aider à nettoyer les jeux. Là. Puis moi, prendre un jeu PS1 dégueulasse, tout pété, whatever... puis changer le boîtier, resurfacer le disque, trouver le manuel, l'avait pas, whatever, puis là, remettre ça propre, puis mettre ça aux gens, ça me procure beaucoup de plaisir. J'aime ça. T'aimes nettoyer les jeux, toi aussi, là, ouais. Je pense, là. Il y a une chose que j'aime pas nettoyer, c'est les boîtes de carton. Ah? Ben, c'est parce que les boîtes de NES, aussitôt qu'on a des imperfections, il y a pas de bonne manière d'enlever un sticker. Ben, moi, il y en a quand même pas mal, ça dépend à quoi, là. Il y a toujours quelque chose... qui peut arriver. Tu commences au séchoir à cheveux parce que tu veux pas mettre de liquide. Puis après ça, t'essayes soit à l'isopropanol 99% ou au gaz à lighter. Puis là, oh, Colin, il y avait une craque. Là, ça rentre dans le craque. Ouais. Puis là, ça crée une faiblesse. Puis là, tu frottes délicatement. Puis là, la faiblesse s'agrandit. Puis t'es comme... Ah, et moi, j'en fais beaucoup pour vrai. Le gaz, j'ai plus peur de ça. Je soak complètement... les boîtes dans le gaz, ah oui. Les livrets. Non, j'enlève les autocollants, c'est livret. Il y a du gaz, puis c'est le gaz, moi j'en prendrai pas d'autres. Ah. Le gaz, il s'évapore. Ben, on va finir le show dans pas long, mais tu peux en prendre une quand même, non. Si tu veux, puis la boire dans le métro. J'ai des sacs bruns qui sentent la cigarette. Mais le gaz, ça s'évapore très vite, fait que ça reste pas longtemps dans le papier, fait que ça va. Mais sur les cassettes, par contre, des fois, il va rentrer sur le côté des labels, puis il s'en va en dessous, puis il reste là pour toujours, puis il laisse un petit cerne, ah, en non, fait. Ça, là. Ça, quand t'es comme, des fois, t'en mets un peu, puis là, c'est comme, ah! Non, oh, fuck, c'est parti en dessous. Comme un crapaud qui s'en va en dessous des nénuphars. J'ai plusieurs jeux que je toucherai jamais à cause de ça, parce qu'il valent cher. Ouais, c'est ça. C'est quelque chose. Des fois, j'aurais envie de mettre une caméra live 24/24 au-dessus d'une table de nettoyage, tu sais. Ben, on passe beaucoup de temps à nettoyer. C'est pas un ici. Channel Twitch pour ben, ça. Tu le fais, dans tes épisodes, mais juste un channel Twitch live en permanence, pas de son pour pas entendre les gros sacs puis les fuck you puis je t'en mets. Hey, moi, c'est ce que je. Il y a pas ça ici. Fuck you, je t'en mets. Dans le même ordre d'idée, moi, à un moment donné, je voulais faire une chaîne Twitch 24/24 parce que j'avais fabriqué avec mon amie Sophie un robot qui chassait les Pokémon Shiny. Fait qu'on avait fabriqué un robot avec une caméra qui regardait l'écran, puis on avait avec des bâtons de popsicle, puis des moteurs, qu'on rentrait les manettes de Switch dedans, puis il appuyait ses boutons tout seul, puis il jouait tout seul. OK. Parce que les Shiny dans Pokémon, c'est souvent une chance sur 4000. Attends, Pokémon quoi, là? On avait créé la machine pour Let's Go Pikachu. Oui, OK. Fait que les échanges de Pokémon, c'est super long. Fait que tu peux avoir, il y a certains Pokémon que tu peux juste avoir avec un échange. Oui. Fait que je voulais les shiny. Fait qu'on a créé un robot. Puis là, j'avais dit à Twitch, ben j'aimerais ça faire rouler mon robot. Le monde regarderait. Puis c'est hot, là. C'est un robot. Puis ouais, mais il y a comme des lois contre l'intelligence artificielle. Mais c'est pas une intelligence artificielle. C'est ça, j'ai tapé des bâtons popsicle sur des moteurs. Ça marche le AI. Oui, j'ai des bâtons popsicle qui fait des bitons. C'est une caméra qui regarde si le Pokémon est shiny. S'il est pas shiny, ben il passe au prochain. Puis quand il a fini le stock de 20, ben il fait faire reset à la console puis recommence. Puis quand il envoyait un, il tweetait « J'ai trouvé un shiny ». Puis il m'envoyait un message texte. Puis il disait, hey, je pense que c'est un shiny. Puis là, moi, je regardais sur mon téléphone. C'était souvent un faux positif. Fait que je suis comme, non, il est pas shiny. Je repartais le robot. Ou je fais, oh shit, c'est un shiny. Fait que là, je peux aller chez nous. Puis j'étais heureux. Tabarnak, man. C'est malade. Ouais, t'as-tu ramassé beaucoup de shiny avec ça? Ouais. Est-ce que ça va? Ça a payé tes Zelda Majora's Mask. Ça a payé mes Zelda Majora's Mask. Exactement. Esti, ils trouvent toutes des combines pour tout. Pour rien payer, esti. Ah, oh, c'est fascinant. Oh. Bon, ben, hey, on est rendu à la fin du spectacle. Ben, voyons donc. Mettre la musique de fin. Ben, déjà. La musique de fin. Heures. En effet. Déjà 10 heures. Ça fait déjà 2 heures qu'on parle. Fait que là, j'ai l'impression que si on avait ouvert d'autres bières, on serait parti vraiment encore plus. Faudrait faire ça. Il y aura d'autres épisodes. Il y en aura d'autres, en effet. Désolé pour les gens si ça l'a planté, mais tout le monde est revenu. Ben Boy est là. Alors, on le salue. Il est. C'est OBS que crash, c'est complètement ça. Première fois que ça arrive, ça. Ah ouais, hein? Dans 12 ans de podcast. C'est-tu encore à cause que notre ordinateur est vieux? Ah, je sais pas. Drôle de question, je sais pas. Faudrait que je regarde ça. Les miracles de l'informatique. En fait, c'est quand on sonne un invité, il y a quelque chose qui marche pas. C'est tout le temps comme ça. Exact. C'est tout le temps comme ça, en effet. Au moins, on n'est pas en 320p comme avec. avec M. Gaouette de l'autre fois, là. Exact. Alors, Guiz, merci infiniment de t'être déplacé. Merci à vous. C'est un plaisir. Alors, on est heureux que tu aies pu goûter de la bière au bacon aussi. Ah non, toi, tu as juste bu celle-là. Eux autres sont pas soqués dans l'odeur de bacon. Ah. Fait que... Non, mais c'est pas grave, t'as pas raté grand-chose. Tout se bien de même. Parce que notre frigo, il sent le bacon. C'est un running gag, je comprends. Alors, où est-ce qu'on peut te suivre? Eh bien, c'est Jeux Sérieux. Donc, le jeu, c'est sérieux sur YouTube et Twitch et tous les autres réseaux sociaux. Toujours Jeux Sérieux, en un mot. Voilà. Simple de même. Quasiment 24/24 de jeux sérieux. Et on est tout le temps là. C'est fou ça. C'est Laurent, vrai. Il est au-dessus de mon salon puis il tape sur le plancher parce qu'il est fâché. C'est ça. Excellent. Sinon, nous autres, JF, ça l'avance. On s'approche du repêchage du Canadien. Le hockey t'intéresse-tu ou c'est pas du tout dans tes cordes? J'étais un gros fan de hockey puis je me suis permis de l'échange de Piqué-Souban. Oui. Ne starte-moi pas sur « il était moins bon, blablabla ». Non, moi, je suis d'accord. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal aussi. Puis en même temps, regarder McDavid faire 8 points en 2 matchs, ça m'a un peu rallumé, là, mais... Il est incroyable. C'est débile, ça. Hey, j'écoutais la game mardi, man. Ouais, on chattait un peu sur le hub. Mais mon filleul, avant que les playoffs commencent, j'ai dit que la Floride allait gagner. Même si je veux que maintenant qu'Edmonton gagne, là... Mais en tout cas, mon call reste la Floride va malheureusement gagner la coupe. Ouais. Bonne chance. Des bonnes chances en effet. Moi, Subban, ça m'a fait mal, mais je pense que je le comprends aujourd'hui avec tout ce que j'ai lu. Ça m'a fait mal pareil. Puis Kovalev avant ça, que le départ de Kovalev, c'est... on dirait qu'il y a de quoi que. Il était plaisant. Tu sais. La finale de la Coupe contre le Lightning pendant la COVID. Ça ouais, ça c'était. Moi, j'avais pensé le fan club de Mark Streit. Pourquoi vous riez? Non, non, c'est un bon joueur, bon joueur. C'est juste que je pensais pas à entendre fan club de Mark Streit. On avait parti ça quand la Suisse avait battu le Canada à la Coupe du Monde 2-1 ouais. avec un but de Mark Streit et l'autre c'était Peter, en tout cas l'autre Suisse de la Ligue nationale. Wow. Ce club-là, est-tu encore... J'ai encore mon chandail officiel de Mark Streit. Je les soupçonne d'avoir utilisé des chandails de Travis Moen pour les faire. Gagné de la coupe, ça, Travis Moen. C'est vrai. Il avait marqué le but victorieux à la coupe quand il gagne. Avec qui, donc? Les Kings? Les Kings, je pense. Oui, c'est ça. Il était aux Kings. Ah, quel guenille, ça, Travis Moen. Ouais. Bon, je suis content de voir que Giz connaît son hockey un petit peu quand même. C'est intéressant. Ouais, on va être live vendredi prochain, le 28, pour le repêchage. Exact. De pas demain, la semaine prochaine. La semaine prochaine. On va aller chercher Caitlin Clark. Caitlin Clark. Je suis. Là, on a appris aussi que Monseigneur Neveu va nous faire parvenir expressément des Doritos pour l'occasion. Juste pour ça. Il y aura sûrement des surplus d'ailleurs pour tous les autres podcasts. Alors, j'espère qu'il y aura des sacs d'effets pour qu'on se fasse des ailes de poulet. Oui, toi, t'as fait des ailes de poulet aux Doritos broyés. Voilà. Moi, ça me réconforte. Moi, ça... Des petites choses. Hein, moi, j'haïs la vie, mais là, ça me remet de bonne humeur, ces affaires-là. Fait que ça, c'est fantastique. Le carton puis les Doritos. Exact. Le carton bien repassé des cassettes et les Doritos. Alors, voilà. Donc, c'est vendredi. Pas cette semaine et l'autre, ça va être le 28. On va être live. Et puis, suivez-nous sur tous les médias sociaux. Mm-hmm. Facebook, c'est vieux. Je suis vieux. Et puis, merci encore, Giz. Ben, merci à vous autres. Merci pour le manuel de Zelda. Hey, j'espère. Il est pas en bon état, mais... Ouais, mais il est à moi. Il est à toi. Utilise-le à bon escient. Avec plaisir. Bonne soirée, tout le monde. Bye. Ciao.